m'a fatigué. C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. Et c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. Ce soir, hein. Ah, public, ils ont l'air au taquet. Ils ont l'air bien, ils sont au taquet, des jolies filles, des beaux mecs. Ah, j'en ai pas vu par contre. Si. Regarde bien, elle est pas mal. Quelqu'un pourra dire à Pietre à quelle heure commence l'émission? Pietre est en train de se faire maquiller. Rappelle-toi qu'il a perdu au défi d'hier. J'avais donc oublié. Il va arriver en femme. J'avais oublié mon Pietre en fille. Et une belle femme. Hein. On va essayer. Je veux une très, je veux une très jolie femme. Demain, c'est vendredi déjà. Oui. Demain avec nous, il y aura Zara Larsson. Énorme, Zara Larsson, c'est mademoiselle qui fait ça. Dans quelques jours, on aura une surprise avec la Fifth Harmony. Qui seront nos invités? Le toc toc toc avec Tal, c'est bon. Donc les inscriptions, ça va être dépêchez-vous pour les dernières inscriptions sur energie.fr et je peux venir chez vous avec Tal. C'est jusqu'à ce soir, ouais. Et j'avoue, et semaine prochaine, émission en direct du Parc Astérix avec Black Air. Ah, ça va être une tuerie, ça. J'adore ce morceau. Black Air, c'est une tuerie, ça. Basket. Il va falloir que tu t'entraînes quand même pour l'apprendre un peu et le faire avec lui. J'adore la partie rap, en plus, je la kiffe. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Je kiffe ça. Tout à l'heure, on écoutera. Qu'est-ce qu'on aura? Jules, le ghetto phénomène, c'est ça? On aura Sia d'ici quelques minutes. Sia, on va l'écouter aussi. Ouais, on aura Bruno Mars, Shawn Mendes. Ah, on a peut-être une surprise. On leur a pas dit aussi qu'on aurait peut-être une surprise avec Shawn Mendes, mais qu'on peut pas encore tout dire. Peut-être. Mais peut-être. On aura peut-être une surprise. On peut pas encore tout vous dire, mais peut-être une surprise. Ça va, Julie? Ouais, très bien. Comment ça va de ton côté? Ça va bien, mais t'es un peu loin de moi. Ouais, j'ai changé aujourd'hui. C'est vrai qu'on a obligé de tourner le dos au public du coup. Mais aujourd'hui j'ai repris la console. Voilà, j'avais envie. Le gars se fait un kiff. Ouais, j'avais envie de reprendre la console. Je trouve ça beau, je trouve que ça clignote, il y a des lumières. Et puis il fait plus chaud comme il fait froid dans le studio. Je trouve que quand j'ai les doigts dessus, ça chauffe. Ah ouais, c'est pas faux. Et ça me fait plaisir. Dans l'émission ce soir, nous aurons Ma mère est la plus cool, j'adore ça. Ouais. On aura un 118 fight. Peut-être on va essayer de rappeler Daniel. Eh monsieur, oui, eh ouais. Monsieur. Monsieur. Vous croyez qu'on peut rappeler Daniel? Bah écoute, il est disponible ce soir, mais on tentera. Voilà. J'attends quand même les gens comme toi au soir. D'accord, mais on va peut-être le rappeler, Daniel. Arrête les conneries. Si on peut avoir des nouvelles phrases, ça peut être cool. Ouais. Arrête, on a des mots comme ça. Enfin. J'adore. Non, j'en ai un peu, j'appelle gendarmerie. Voilà. C'est pas la gendarmerie, c'est la gendarmerie. C'est beaucoup plus simple. Donc on aura peut-être du Daniel tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fera? On aura peut-être un jeu du public parce qu'aujourd'hui, c'est une journée. Alors autant cette semaine, on a eu la journée de la fille, c'était sérieux, c'était une prise de conscience. Cette semaine, aujourd'hui, c'est une bonne journée. C'est la journée, vas-y. La journée internationale ou française? Internationale. Hein. Du hamburger. Oui. Pas mal quand même. Vous allez bien. J'ai l'impression que cette journée, il y a plein de gens qui ont envie de la fêter. Bah ouais. La journée nationale du hamburger. J'ai l'impression que ça plaît à tout le monde. On aura tout à l'heure, nous, on va commencer par en manger. Oui, on pense. Et peut-être le public. Ah. Mais peut-être pas les meilleurs. Oui, c'est ça. Faudra peut-être mériter son burger. On verra ça tout à l'heure. Et puis on se fera un dossier, on l'avait dit. Oui. Le dossier sur la première fois. Voilà. Vous nous direz un petit peu comment s'est passé la première fois. On aura plein de gens, plein de témoignages. À quel âge, si ça s'est bien passé ou pas. 0870 40 48. Ah oui, je veux savoir. Ah oui. Ceux pour qui ça s'est génialement passé. Ouais. Ceux où ça a été trop court. Ceux où ça a été trop long. Mm-hmm. Ceux qui n'y sont pas arrivés. Oui. Ceux qui n'ont toujours pas fait. Ceux qui n'ont pas trouvé le truc. Oui, il y a des gens qui arrive. Disent bah, j'étais là, j'ai pas trouvé. J'ai perdu mon chemin. J'avais pas un GPS. Je sais pas où j'en étais. Stouf, tu nous as mis du monde ou pas? Oui, bien sûr. 0870 42 48. Elle va décrocher surtout, Stouf. Vous nous passez un petit coup de fil. Et puis, dès que vous avez fait votre première fois, et si c'est ce soir, appelez Stouf en même temps. Ah ouais. Stouf, faut qu'on te parle. Arrête, non, commence pas avec ça. Arrête, ça va l'exciter, là. On va le faire pendant qu'on. Oui, là, en ce moment, une baraque à frites, elle part au quart de tour. Mika, tout va bien aussi? Ouais, c'est une pelle. Nickel. Merci. C'est une pelle. C'est une pelle. Les deux, hein. Et deux mots à dire dans l'émission. Ça va? À qui tu vas quitter Spell? Ah, c'est quoi? C'est Spell. Il pensait à rouler des pelles, je crois. Il parle en mignon. Mais là, il y a plein de mecs dans sa tête en même temps. La journée de Damien, c'est c'est comment, 14 ans à Pau, ça va Damien? Salut toute l'équipe. T'es mieux mon gars, t'es en forme Damien? Bah ouais, ça va, sauf qu'il y a une pute au Oh là là là là là là, ça Damien, va pas Damien, qu'est-ce qui t'arrive? Damien, s'il te plaît. On dit pas ça. Excuse-moi, je suis responsable de cette émission, on est en direct, il est 19h04. Je te remercie suite à nos problèmes de CSA de ne pas avoir briefé notre ami qui arrive en disant il y a une pute. Bon, alors non, on ne parle pas comme ça, on ne dit pas ça, on dit il y a une fille. On respecte la fille. On respecte l'image de la femme. Ouais. CSA. On vous l'a dit toute la semaine en plus. Hein. Ah là là. Bon, en fait, on avait sport au collège. Oui. C'était aujourd'hui. Et on fait basket, le pire sport. Et en fait, on a une équipe soudée, et sauf une fille de ma classe qui n'est pas du tout soudée. Donc, elle commence à me faire ma passe. Et sauf qu'il y avait des adversaires en face d'elle. Du coup, elle ne pouvait pas la faire. Du coup, je lui ai fait, bah, vas-y, cours. Et du coup, elle a commencé à m'insulter de gros lard et tout. Alors, du coup, elle a été voir la prof. Pas gentil. Et elle a été lui dire que j'ai rien foutu. Ah, elle a balancé. Alors, c'est moche. Ouais. Alors du coup, j'ai failli me prendre une heure de colle. Ça s'est joué à deux doigts. De peu. Et du coup, finalement, c'est elle qui s'est prise. Jouer à deux doigts, on peut dire cette expression aussi ou pas? Oui, je pense. Non, parce qu'il dans est l'expression, tout... ouais. Enfin, ça l'expression, dépend pour Stouf, non, mais pour nous. Non, oui. Parce que vu que mettre une pété, ça a été un scandale, mais à deux doigts de le dire, on peut dire cette expression. Oui, à deux doigts de le dire, on passe. Peut dire. Oui, d'accord, oui. Ok. Et alors, cette journée, donc, c'était de la merde ou pas? Oui, c'était la merde. On peut dire de la merde ou pas? On a le droit ou oui, pas? Oui, on de peut, dire on peut, la merde. C'est pour savoir. C'est bon, pas très joli. Et ben maintenant, on est là, tu nous écoutes et puis tout va bien se passer, mon gars, d'accord? Est-ce que je peux faire une dédicace? Ou ça dépend ce que tu vas dire. 10 secondes. Ben alors, une dédicace à vous tous, déjà à toute l'équipe. C'est gentil. Et déjà à ma copine, vite. À ma chérie. 7 secondes. Et voilà. Ah bah c'était bon, oui. Et s'il y a le bordel dans le studio, c'est à cause de Koé parce qu'il est derrière la patine. Bien joué, mec. I am the wisdom of the fallen, I'm the youth. Hey, I am the greatest, hey, this is the proof. Hey, I work hard, pray hard, pay dues. Hey, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I fell twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the stronger survive, another scar may bless you. I don't give up, nah, no. I won't give up, nah, no. Don't give up, no, no, no, nah. Don't give up, I won't give up. Chez vous, ne ratez pas donc demain Zara Larsson. Demain c'est vendredi, on terminera la semaine. J'ai complètement été impoli, c'est super moche. Pourquoi? J'ai même pas dit qui venait chanter tout à l'heure. C'est vrai. J'ai fait tous ceux de la semaine, ceux de la semaine prochaine. Mon Black M que je connais pas les paroles, mais que je vais les apprendre. Ouais. La semaine tout à l'heure, notre invité c'est Sauf. Dis-lui mais attends pas. Tu peux lui dire mais à coup pas, il a raison, il est gâté. Pourquoi? Ça veut dire que, pardon, parce que je l'avais pas mis. Bah oui. C'est ma faute. Ah mais à coup pas, Sauf sera là. Tout à l'heure, donc on va se faire un spécial première fois. Ouais. Et puis alors donc il y a les 35 heures hein, qui se passent. Il y a un record du monde qui 35 heures de bavard. Ouais, qui est battu qui va essayer d'être battu en télé. Ouais. Donc ce soir nous allons lancer notre hashtag. Voilà. On va lancer notre hashtag ouais, à tout. D'accord, les gars. On lance le hashtag. Les 3 heures de coco. Ça vous va ou pas? Est-ce que ça vous va ou pas? Est-ce que vous pensez que vous pouvez me mettre en TT? Hashtag ah bah, les 3 heures de coco. Les 3 heures de coco. Ah ouais, c'est génial. Pas un record de ouf. Mais c'est stylé, je trouve. C'est même pas un record du tout. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, je me dis. Hashtag les 3 heures de coco sur énergie. Non, oh, non. Oh, Julie, arrête de mettre sur énergie à chaque fois. Excusez-moi. Mais ouais, mais trop. Trop. Okay. Voilà, donc hashtag les 3 heures de coco. Voilà, vous mettez ça. Ça sonne bien. C'est bien, ça fait bien, mec, un petit record et qu'on est fiers, quoi. Bah oui, mais n'empêche, c'est ça. Donc hashtag les 3 heures de coco. Si vous êtes très fort, la Koï Family, vous nous mettez ça en tété. Et ça va me faire kiffer de le voir entêté. On fait un gros bisou à Claudine. Elle a 17 ans, mais elle a le prénom de sa mère. C'est assez bizarre quand même de s'appeler Claudine à 17 ans. Oh, ma pauvre chérie. C'est dur. Bienvenue dans hashtag les 3 heures de coco, Claudine. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, ma chérie. T'es en forme, t'habites où? Ouais, bah à Louan. À Louan? À Louan. À Louan, ouais, ou à Rouen, ça, et c'est mal dit? Non, Louan avec un L. C'est à côté de Chalon-sur-Saône. Ah, c'est-à-dire, tu crois que t'habites à Rouen, mais même pas, t'habites à Louan. J'habite à Louan. Bon, j'habite à Louan, j'étais allé beau. Elle m'a dit, comme vous le savez, je m'appelle Claudine et je me fais beaucoup taquiner à cause de mon prénom. Parce que j'ai 17 ans. Ah merde, sans le vouloir, c'est le sujet de ton appel. Et c'est assez atypique pour notre génération. J'aimerais savoir si vous connaissez quelqu'un qui a un prénom de vieux ou atypique. Pourtant, hey, tu nous as envoyé une photo de toi, ma chérie, t'es toute jolie. Ah oh oui, magnifique. Ouais. Ouais, merci. C'est vrai, non? Ah oui, il y a un mec au premier rang, il a envie de te chiner, là. Il voudrait ton numéro. Il est là, il regarde, il dit ouais, dis donc, pas mal. J'aime, t'as pas une thèse à t'appeler Claudine? Coquin, non, tu veux le numéro? T'as plus une thèse à t'appeler Claudine? Tu veux le numéro de Claudine ou pas? Il est chaud, il est chaud. T'aimes bien? Elle te plaît ou pas? Bah quoi? Bah quoi? Elle est belle, elle te plaît ou pas? Ouais, ça va, franchement. Ok, d'accord, mais je t'arrange un coup, tu diras merci. Mais elle est à Louan. Tu connais Louan? Pas du tout. Bah tu trouveras. Quand on a envie, on se motive et on y va. Elle est peut-être pas célibataire, Claudine. Qui a des prénoms chelous dans le public? Ah vas-y, comment elle se balance? Elle est marrante, elle se balance toute seule. Je comment tu t'appelles? Yentel. Yentel. Putain, on dirait une marque de téléphone bas de gamme. C'est quoi ton téléphone? C'est un Yentel. Il est sympa, il est. Non, c'est tel ou tel? Yentel. C'est de quelle origine? C'est dans un film. Putain, de quel mais... film? Avec Barbara Streisand. Ah ouais, c'est précis. Elle a failli s'appeler Paramount. Yentel. Et à côté, il y a eu un parti. Le micro est parti par là. Comment tu t'appelles? Clélia, ça va, Clélia. Celle du milieu là qui a balancé. Clélia, comment tu t'appelles? C'est chelou quoi aussi, les gars. Rebecca. Ah, Rebecca, bien, bien. Il y a du prénom chelou, deuxième rang Moi, Théodore. Théodore, oh, merde. Ah, Théodore, c'est dur. Théodore. Oh, dis donc, on est passé devant toi, tu l'avais pas dit, c'est Théodore. Oh là là, mon pote Théodore. C'est le nom d'un toutou. Quel âge tu as? J'ai 15 ans. C'est dur, Théodore. Non, non, sérieux. Bon, on l'appelle Théo. Théo, ça va. Arrête, c'est dur. On l'appelle Théo, non, tes potes? Le prénom, mademoiselle? Laurine. Laurine, ça va, à côté? Ça va? Maud, non, ça va. J'essaie de t'en trouver d'autres prénoms chelous. J'essaie de trouver des prénoms. Y a-t-il d'autres prénoms un peu chelous? Ah, au dans le fond, au nous fond, avons dans le fond. Attends, oui, oui, oui, on amène le micro. Zina. Zina, ça va. C'est pas ça mal, va, on dirait Zina. Un mec qui passe en mobilette. Zina. Là-bas derrière, Lolo. Attention, nous avons un prénom dans le fond. Je m'appelle Oui. Mais non. Ouais, tu t'appelles pas Oui. Il est venu en petite voiture jaune. Willan. Comment tu t'appelles? Willan. Ah, Willan. Ça fait basketteur américain, Willan. Willan. Théodore, mec. Théodore. T'es le champion. Eh ben, tu sais quoi? Sans le vouloir, Claudine, je t'ai chopé le mec du public. C'est vrai qu'il y avait le nom. Quel prénom chelou? Théodore et Claudine. Tu crois que tu vas voir tes grands-parents, mais non. T'as l'impression que c'est un mot de mariage de vieux. Théodore, ouais, et Claudine vont s'unir pour leur 53e année. Ah, oh, c'est dur. Excusez-moi, est-ce que ça aurait été bien que Pietre soit prêt pour l'émission? Oui, sauf pas que une c'était pas après. Possible en fait. Pourquoi? Bah, parce qu'il avait des trucs avant. Ah, d'accord. Donc, et l'émission à 19h, le mec il va la commencer à 19h30 bah, et on va rien lui dire. On va dire c'est super. Bah, oui. On va pas crier sur les filles. Apparemment, il buvait un verre, hein, quand même. Ouais, ouais. Il avait juste un coup à mettre, c'est tout. Et le mec il arrive en retard à l'émission. Ah, bah, il a super maquillage. Ouais, bien sûr, j'espère, ouais, en tout cas. Ma Claudine, c'est pas grave d'avoir des prénoms pourris. Il y a plein de gens. Dans mon spectacle, j'en parle des gens qui ont des prénoms pourris. Il y a plein de gens qui ont des prénoms pourris. Oui, bah, t'es gentil. Tu parles de mon fils qui s'appelle Gaspard. Bah, c'est pas un prénom pourri. Bah, c'est un vieux prénom. C'est un beau prénom, Gaspard. C'est un vieux prénom chelou. C'est comme quand t'appelles ton fils Louis, tout le monde va l'appeler Loulou. Ah, Louis, ça va. Arrête. Louis. Bah ouais, je trouve que c'est un vieux prénom mais qui est revenu à la mode. Arrête, Louis. Bah, comme Gaspard, je suis désolée. Gaspard, il reviendra jamais à la mode. Bah arrête, si. C'est hyper à la mode. Il y a deux Gaspard dans sa classe. C'est que la dernière fois chez moi, j'avais deux gamins qui s'appelaient quand même Balthazar et Melchior. Ah oui. Non. Ah putain, on aurait dû faire venir Gaspard. Ah bah j'ai fait l'appeler ton fils, mais il n'a pas encore de portable. Évidemment, tu n'en offres pas. Ah oui, non. Mais c'était chaud. Balthazar et Melchior. Et les deux, ils sont potes. Ah ouais, mais c'est pas possible. Mais je te jure, ils étaient venus chez moi. C'est drôle. Je me suis dit, est-ce qu'il y aura un Jésus et un Judas qui seront potes? Ce serait marrant aussi. Claudine, tu n'es pas seule à avoir un prénom de merde. Mais en plus, le diminutif est moche. Clo-Clo, quoi. Ah ouais. Didine. Claudine, c'est quoi ton diminutif du coup, ton surnom? Non, on m'appelle beaucoup Clo-Clo, mais du coup ça lui fait rire pour Claude François, quoi. Ouais. Ma pauvre. T'es plus en meilleure santé que lui en même temps. Parce qu'encore Théodore, Théo, c'est la classe, Théo, c'est mignon. Mais Clo-Clo. Ouais, bah. Après, moi, je le prends à la rigolade, je m'en fous. Mais ouais, bon. Bah, tu vas voir, je le prends à la rigolade, t'as que 17 ans, t'en peux déjà plus, tu vas voir quand on aura 40. Ouais, c'est ça. Et pourquoi, surtout la vraie raison, moi, c'est ça que je comprends pas quand les parents donnent un prénom chelou comme Théodore, pourquoi on donne ce prénom? Les parents le voient bien qu'il y a un truc qui est pas tu normal. Tu plaisantes, tu veux qu'on parle du prénom de tes enfants? Ça va. Non, il s'appelle Kevin et Beverly. J'étais fan. Non, mais, c'est chelou comme prénom aussi. Mais quand tes parents t'ont appelé Claudine. Moi, en fait, si mes parents m'ont donné ce prénom, c'est parce que ma maman a perdu sa mère très jeune et du coup, c'était pour elle. Ça a donné des prénoms de gens morts. Mais c'est horrible. C'est pas gay. Tu donnes pas un prénom à ton fils parce que ta mère est décédée, le même prénom, c'est bizarre. Ah, mais beaucoup de gens le font. Moi, j'ai failli appeler mon fils du chat d'un chien, du nom d'un chien qui était mort. Dernier moment, j'ai failli l'appeler Igloo. J'hésite. Non, faut pas donner les prénoms de quelqu'un de mort. À la limite, en deuxième prénom, en troisième prénom, pour rendre hommage. Pas en prénom principal. Ouais, moi j'ai deuxième prénom. En même temps, si vous entendiez mes deux autres prénoms, vous prendriez peur aussi. Ah, vas-y alors. C'est quoi? Parce que c'est Liliane et Paulette. Mais non. Et laisse-moi deviner, est-ce que tu as des prénoms de gens vivants de ta famille ou ils sont tous morts? Bah, Liliane, c'est ma grand-mère et Paulette, c'était la marraine à ma maman. Bon, ça veut dire que la grand-mère, bientôt, t'auras donc tous les prénoms de gens morts. Paulette, ça revient à la mode aussi, hein. Mais Paulette. T'as vu jouer ça où que c'est la mode mais de s'appeler si, Paulette. Il y a même une DJette qui s'appelle DJ Paulette. C'est pas parce que c'est ringard. Je sais pas, un mannequin qui s'appelle Paulette. Il y a pas un mannequin qui s'appelle Paulette. T'as aussi un DJ qui s'appelle Petit Biscuit, c'est pas une raison pour laquelle les gens s'appellent Petit Biscuit. Et à un moment donné, Paulette, ça ne reviendra jamais à la mode. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse ma petite Claudine. Bisous. Tu as peut-être un prénom de merde, mais c'est pas le plus important. T'es adorable et t'es toute jolie, donc te prends pas la tête, d'accord? Ah, merci, c'est gentil. Bisous, ma belle. T'aurais pu t'appeler Maria. Ah, c'est pire. Oui, Julie. Après la pub, on aura un jeune homme qui aura un super beau prénom, tu vas voir. Bouge pas, on s'en occupe. Après, Ghetto Phénomène et Jules. Bisous, ma chérie, je t'embrasse. On est sur Énergie, tout va bien. Fais pas les données. La maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais quand. On connaît.

votre côté. Tout à l'heure, Souf sera notre invité. Mais alors, dans la série, Pietre avait donc perdu hier son pari puisqu'il avait 10 petits bâtons. Pietre devait donc revenir et faire l'émission en femme. Il a juste 30 minutes de retard. Mais je crois que c'est pour la bonne cause, puisque je crois que maintenant, Pietre peut donc arriver dans le corps d'une femme. Je crois qu'au fond de lui... Ouais, c'est difficile, hein. Au fond de lui, il y avait une femme qui se... Ouais, on est d'accord qu'il s'est pas fait chier. Ah, non, c'est pas question qu'il s'est pas fait chier, c'est que t'as beau lui mettre. On a fait plusieurs essais de plusieurs tenues, de plusieurs choses. Et... Qu'est-ce qu'il y a, Coco? Quoi? Ah, la jambe dégueulasse. Il passe sa jambe par la porte. Il a mis des bas et tout, quoi. Et c'est un truc d'une mocheté. Pietre, viens, fais le tour, mon grand. Bonsoir. Ah, là, hey. J'ai peur. Il est joli, quand même. Mais mec, flippé. Mais arrête. Non. Hey, attends, oh. C'était la journée de la fille, pas la journée du mec qui s'habille en fille. J'assume moyen. Maintenant, tu es une femme. Hey, il est quand même pas mal, hein. Jusqu'à 22h. Il est fin. Théodore, t'arrêtes de regarder Pietre comme ça, c'est malsain, s'il te plaît. C'est qui, Théodore? C'est le mec du premier rang, là-bas. Il est en train de te regarder, il te visage du... Oh là, c'est chaud. On voit le paquet un peu, quand même, dans la gueule. Pietre. Assieds-toi vite, je te jure qu'on voit le paquet. Il y a un moment donné... Non, mais depuis tout à l'heure, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il est en train de... Hein. Oh, ouais, les mi-bas. Vous n'allez pas nous raconter que Pietre en a une tellement énorme qu'il ne peut pas la camoufler. Ah, mais tout à l'heure, il ne pouvait pas rentrer dans le studio à cause de ça. Hein. Bien sûr. Te jure que ça faisait le porte-manteau, tu vois. Évidemment. Je te promets que c'était ça. Tu peux t'asseoir, c'est assez... Regarde. C'est censé être la journée... Tu es censé être habillé en femme, pas un truc... Bonsoir, je vais t'appeler bonsoir. Donc... Pietra. Tu es Pietra. Pietra. Bonsoir Pietra, bienvenue chez nous, comment ça va? Écoutez, je ne supporterai aucune vanne sexiste ou quelque chose dans le genre ce soir. C'est pas prévu, ce soir on ne fait plus de vanne sexiste, c'était avant ça. Regarde, il est au premier de... Vous avez vu mes poils? C'est sous gênant. Mes c'est dégueu. Tu vas voir quand tout à l'heure Souf, il va te regarder, il va te chanter. Ah ouais. Tu vas adorer. Les yeux dans les yeux. Ça va bien les cheveux longs, ça va bien. Bon, ça vous dérange, on fait un petit bisou à Manu. Comment ça va Manu? Bienvenue chez nous. Ça va Manu, t'habites où? À Schiftigheim. À Schiftigheim, ça c'est dans l'est de la France. Voilà. Bon, vas-y, raconte-nous. Attends, tu nous as envoyé un mail, j'ai du mal à le croire. C'est un peu, ouais, vas-y. Mais on le fait maintenant ou après? Ah non, maintenant. Attends, j'aimerais bien... Bonjour, j'aimerais bien que mon fils Koé soit surpris au téléphone. Mais non. Quoi? Car tous ses copains lui demandent pourquoi il s'appelle comme ça. Comment il s'appelle ton fils? Koé. Comment ça s'écrit? C-A-U-E-T. Mais non. En prénom donc, hein. Mais tu l'appelais comme ça parce que t'étais fan de Coco? Bah, je t'écoutais à l'époque sur une autre radio, en matinée. Oh. Et t'as appelé ton fils Koé? J'avais le choix, c'était Koé ou Arthur. Ma femme a préféré Koé. Pourtant, c'est pas un prénom. Pourtant, pour le coup, Arthur, c'est plus un prénom. Bah ouais, grave. Tu l'as appelé Koé. Et le gars, mais et ton fils, ça le dérange pas d'être le seul à s'appeler comme ça? Non. Et il a des cheveux? Et oui, il a des cheveux. Quel âge il a? Là, il aura 14 ans demain. Il est né en quelle année? 2002 alors? Ouais. 2002, le 14 octobre, ouais. Et il paraît qu'il se fait charrier, enfin pas charrier à l'école, mais tout le monde lui dit ouais, tu t'appelles comme Koé d'énergie et tout ça. Parce que tous ses potes écoutent la radio. Mon papa m'a appelé à cause de Koé d'énergie. J'ai dit non, mon papa il connaissait Koé, mais sur une autre radio. Mais dans une mairie, quand t'arrives et tu dis je vais appeler mon fils Koé, ils te disent oui? Oui. Oh, j'aurais dû appeler le mien Koé. Bah non, bah Koé. Ce serait appelé Koé au carré. Simple. Et Pikachu, des trucs comme ça, ça passe après toi? Ça, c'est chaud. Pikachu, non. Bulbizarre. Bulbizarre, ça passe. Et mais lui, c'est le petit, c'est Koé, le père, c'est Manu. Non. Voilà, la famille énergie. Il y a le 6-9 et le soir. Et mon frère à moi, c'est Sébastien. Ah bah voilà, ah bah on a Sébastien Koé et Manu. Vous n'avez pas un petit Guillaume dans la famille? J'ai un Johan. Ah, on n'a pas ça. On n'a pas. Oh là là. On va l'appeler. C'est là? Ouais. Attends, on appelle Koé. En fait, c'est son anniversaire demain. Je sais. Là, on va être tombé sur le téléphone de sa mère, mais c'est pas grave. On va demander Koé. Ouais. C'est chelou. Je rappelle qu'il faut nous mettre en tété les 3 heures de Koé. Ah, mon nid, les gars. Ah, c'est les 3 heures de Coco est en tété. Quelle position? 15e. Faut que ça monte. Bonjour. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Koé, s'il vous plaît? Oui. Merci. Bonjour. Bonjour, madame. C'est qui l'empêche d'écouter l'émission depuis le début? C'est vrai? Ah, d'accord. Oui, bonjour. Allô, bonjour, c'est Koé? Oui. Salut. Tu sais? Oui, salut. Salut. C'est Koé? Oui. C'est Koé, oui, moi je m'appelle Koé. D'accord. C'est trop bien. C'est un peu bizarre comme prénom de s'appeler Koé, non? Oui, mais je sais pas. Bon. Oui, c'est à cause de notre gros con. Parce que moi, c'est Koé. Je disais parce que moi, c'est Koé. C'est pas ça, Koé, Koé, quoi. Bah, Koé. Énergie. Ouais. Mais l'original, hein, quoi. L'original. L'original, le vrai. Tu vois, le vrai. Le vrai, le Koé, quoi. Ouais, le beau gosse, le surfeur, tu vois, le. Hein mais donc, moi je dis, moi je m'appelle Koé, tu t'appelles aussi Koé? Oui. Incroyable. Et demain c'est ton anniversaire? Oui. Alors bon anniversaire, mon coco! Bon anniversaire, mon coco! Tu peux l'appeler comme ça? Ouais, tu peux l'appeler comme ça. Je peux lui dire bon anniversaire, mon coco! Mon binôme! Ah, là, mais Koé, mais c'est incroyable! Il y a le même. Oh là là là là, je te fais un gros bisou, t'as 14 ans demain, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah bah ça me fait trop plaisir de te souhaiter un bon anniversaire. Julie, je te présente un autre Koé. Ouais, salut Coco. Bonjour. Ça va? Dis bonjour à Koé. Je peux avoir une augmentation, Koé, s'il te plaît? Il te dira non. Guéguette, dis bonjour à Coco. Salut Coco. Ah, mais, bonjour. Oh, mais j'ai même pas ta photo, je sais même pas à quoi tu ressembles. Mais je sais pas. T'as des cheveux? Oui, oui. Ah, t'es pas un vrai. Le modèle de base en théorie ne doit pas en avoir. Oh, en tout cas, ça me fait trop plaisir. N'empêche, il doit être content parce qu'il entêtait tous les soirs. J'avoue. C'est vrai, il doit avoir marqué Koé saison 7. Ouais, j'avoue. Il doit pas... Là, par exemple, il y a marqué les 35 heures de Coco. C'est encore toi. C'est pour lui. En les 3 heures. En fait, à l'occasion, je suis en train de me dire que tous les soirs, on croit qu'on est entêté, mais c'est peut-être lui qui est entêté. Ouais. Ça se trouve. C'est pas nous. C'est tes potes qui le mettent entêté. Je te fais un gros bisou, mon Koé. Merci. C'est bizarre de dire ça. Hein. Ah ouais, c'est bizarre. Ça fait pas bizarre, ça fait trop chelou. Je te fais un gros bisou et on va monter des trucs dans l'Est pour le One Man. Dès que je passe, je t'enverrai. On va garder tes coordonnées. Ah ouais, forcément. Je t'inviterai à venir voir le spectacle et tout, d'accord? D'accord. Ah, du coup, il a du Koé gratuit à vie. Ouais, et le premier qui te vanne à l'école sur ton prénom, tu me l'envoies, d'accord? Ouais. Ok, d'accord. Tu me dis, je t'envoie voir mon père. Allez, attends, il y a Manu qui va réagir. Ouais, tu doubles le salaire? Ouais, bonjour. Merci. Hein. Merci, tu peux remercier à ton père de t'avoir donné un si joli prénom. Allez, bisous Pignouf. Merci. Bisous Pignouf, c'est le deuxième prénom Pignouf. Salut mon Manu, on vous applaudit. Allez, Manu et Koé. C'est énorme cette histoire. Salut mon pote, encore une fois bon anniversaire. J'espère que vous kiffez cette soirée avec nous. Hashtag les 3 heures de coco en TT. On y est, ça a été super vite, faut y rester, faut que ça monte, faut que papa voit ça. Voici Bruno Mars sur Énergie. Feeling just la 7e saison de Coé sur Énergie et on attend toujours une stagiaire bonne. Merci Julie. À la place de ça, on a un stagiaire rouquin qui prend de la protéine. Coé. Ouais, salut. 19h, 22h sur Énergie. Ouais, puisque ben nous la vie est un record. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donnez comme ça, on est heureux. Hashtag les 3 heures de coco, vous faites tourner, il faut qu'on soit en 10e position et tout et tout. Ça va, Jésus? Ouais, très bien. Pietre, tu es très belle en femme. C'est vrai? Je vais te dire un truc. Je vais avoir du mal à te laisser finir cette émission comme ça. Pourquoi? Tu vas craquer? J'ai une petite idée derrière la tête. Ah non. On m'emballe pas. Hein. Comment? J'ai une petite idée. Ah. Je ne t'en dirai pas plus. Ok. Mais tu me fais flipper quand même. J'ai le droit d'avoir une petite idée. Oui. On peut ou pas avoir on peut remercier juste Jessica qui a maquillé Pietre. Voilà, qui fait partie de l'école de maquillage. À la MAP aussi. Mon école. Voilà. Comment la s'appelle map. Ton école? La MAP. C'est la MAP, c'est toi? C'est la MAP que c'est je préfère. La MAP, ça s'écrit comment? MAAP. La D'accord. Makeup Art Academy. Oh, la Makeup Art Academy. Ouais, merci mademoiselle, c'était très bien. Merci, vous avez fait du bon travail. Attention parce que ça va peut-être couler un petit peu. Il va peut-être falloir lui faire une petite retouche après. Bien retouche. C'est un peu le bordel. La semaine prochaine avec tous les Fifth Harmony. Vous allez kiffer ce moment. La semaine prochaine, n'oubliez pas. Est-ce qu'il y a encore des places pour le parc Astérix à gagner? Bien sûr. Allez-y hein, sur Twitter, on va encore prendre place. J'ai vu passer des messages, ils disent ouais, c'est fini, nous l'ont même pas dit. Non, c'est pas que c'est fini. Ça continue. C'est que ça continue. Il y aura même la semaine prochaine avec nous au parc Astérix. Il y aura Black M. Est-ce que vous avez envie qu'on rappelle Daniel? Ah ouais. Ah oui. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas rappelé Daniel. Tout le monde voit qui est Daniel ou pas? Eh hey, monsieur. Eh hey, monsieur. J'attends quand même les gens qu'on me dort. Voilà, parce d'accord. qu'on a quand même beaucoup de sons de Daniel. Hein. Arrêtez de l'appeler comme ça. Voilà, on en a plein. Non, mais on en a plein. Non, c'est pas vrai. Si, c'est un menteur. Je te dis qu'on en a plein. Daniel, on en a plein. Non, sinon mais... ça va. Non, ah, ça va. Ouais. Je te dis, Daniel, on en a. Non, t'arrêtes d'appeler comme ça, monsieur. Bon, alors pour la peine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger la batterie en Daniel. Ouais. On a besoin de nouveaux sons parce qu'on s'en sert beaucoup. Ouais. Comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale du hamburger. Je me suis dit qu'on pourrait très bien être une société de hamburgers oui. et qu'on en a une trentaine à livrer. Ouais, et qu'on est devant chez lui. Ouais. On a l'adresse de chez lui ou pas s'il demande? Ah ouais, tu l'as pas, évidemment, tu l'as pas. En même temps, on va peut-être pas la donner à l'antenne. Ouais, hein. Oui, mais là, c'est ce premier truc qu'il va dire. Il va dire, hey, c'est quoi l'adresse que vous avez? On l'a pris sur les pages jaunes, on dit, sur les pages blanches. Il faut qu'il paye. Il a été tiré au sort, tu vois, un truc comme ça. Bon, on l'appelle. Vas-y. Allez, on y va, c'est parti. Attention, on appelle un Daniel tout neuf. Voilà, on va voir s'il est sobre. Il veut plus décrocher. Il est plus là. Ouais, alors, ouais. Ouais, bonjour. Je pourrais avoir Daniel, s'il vous plaît. Daniel. Ouais. Ouais. Pourrais la voir. C'est pour la livraison. C'est pour toi. Ah, j'en sais rien. Ouais. Ouais, allô. Ouais. C'est Daniel. Ouais. Ouais, bonjour. C'est pour la livraison, là. Quoi, je veux faire quoi alors? Bah, c'est-à-dire qu'on a une livraison là, on a une trentaine de hamburgers là. Moi j'ai votre, j'ai votre adresse, je suis là. Hein. Ils viennent quoi? Bah, c'est vous qui avez commandé à manger? Eh, j'en ai pas non! Pourquoi? Eh oh! Bah, vous êtes où là? Bah, moi j'ai votre nom avec votre adresse là, je vais arriver devant chez vous. Hein. Non, non, pas de livraison moi. Bah, monsieur, il y a votre nom, faut payer maintenant. Hein. Non. 640 euros. Et vous allez où là? Bah chez vous. Bon, d'accord, vous venez devant la grille. Hein? Devant la grille, vous attend. D'accord, mais attendez, c'est comment, quelle couleur allait votre grille? Non. Et pas livraison chez moi. Ah bah si j'avais raison, j'ai 47 hamburgers, il y en a plus que tout à l'heure. Et quoi, livraison quoi? De hamburgers. J'aime pas le hamburger. Même devant la grille. Mais c'est pas vous qui avez demandé des hamburgers? Non, j'appelle directement je mangerai. Et j'ai une trentaine de coca là qui viennent avec. Eh hey, oh, ça suffit monsieur. Hein. Pourquoi? Non, c'est madame. Non, j'aime pas les hamburgers, j'aime pas. Vous aimez pas quoi? En indépendant les gens comme ça, d'accord. Qu'est-ce que vous préférez? Parce que j'ai aussi du couscous. Bon, d'accord, j'ai appelé le lendemain tout de suite. Pourquoi, monsieur? Bon, ben. Et moi, je vais arriver. D'accord. Et il va falloir payer maintenant, hein. Hein? Il va falloir payer maintenant, hein. Bon, ben, ne trouve la grille. Ah, mais c'est quelle couleur la grille? Ben, c'est à foutre. Allez, dégagez. Mais non, j'arrive, monsieur, faut payer. Hein? Il va falloir payer. Payer quoi? Bah, il va falloir payer pour les hamburgers. Non, d'accord, je vais porter pas tout de suite, Marie. Donne ton nom, je me gomme un nom. Non, non, hé, hey, monsieur, on m'a dit pas de monde, hein, d'accord? On m'a dit pas de monde, c'est pas le moment. Non, non, t'arrêtes d'appeler comme ça, monsieur. Bon, d'accord. Ou sinon, c'est un genre de bien directement. Non, non, arrête de mentir, bon. Non, hé, oh, ça suffit, monsieur, hein. C'est qui son nom? T'arrêtes pas, arrête, on a des noms comme ça. Bon, d'accord, monsieur, je vais directement ne porter pas contre vous, maintenant. T'as assez qu'on est comme ça, d'accord? Hé, oh, ça suffit, hein. Non, mais j'ai trompé le numéro. Non, monsieur, je veux pas savoir. J'appelle directement un jour, et puis je vais porter pas contre vous. Parce qu'une page à téléphoner, Non, j'ai rien à foutre. Vous avez vu maintenant. Non, mais pas le monde, et c'est tout. Hein? Non, mais pas le monde, c'est tout. Voilà. Bonjour. Dis-le donc. Monsieur, vous allez avoir des problèmes. Hein? Monsieur, vous allez avoir des problèmes. Ils n'entendent pas. Bon, d'accord, mais demain, je ne pose pas contre vous. C'est... Allez, on va foutre. Avant, il était plus clair. Attends, c'est ça. Ah, il a raccroché. Tu lui as fait un fight à lui-même. Oh, quoi. Il s'est parlé à lui-même pendant deux minutes. Ouais. Il y a des moments comme ça, ça fait partie de ces petites choses. Quand on les entend, ça fait du bonheur. On l'aime bien, Daniel. Daniel versus ouais. Daniel. Ouais, ben, Armory. Parce que, aime pas ça, regarde. Ah, c'était beau ça. Nous, on a peut-être une surprise dans les jours qui viennent avec Shawn Mendes. Ouais. Continuez de faire tourner. Hashtag les 3 heures de coco. Dans quelle position? Sixième. Ça peut monter. Sixième. Ça peut monter. Bien. Bienvenue. Tout va bien. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. You better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. Oh.

événement. L'aventure Friends Trip revient pour une nouvelle saison sur Énergie 12. Quatre équipes de trois amis vont vivre un road trip hors du commun au Canada. Au bout de l'aventure, un seul d'entre eux pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Défi extrême, amour, stratégie, aventure, trahison. Ils vont devoir se surpasser pour remporter le road trip de leur vie. Leur amitié résistera-t-elle ? Friends Trip, saison 3, à partir du lundi 24 octobre, à 18h15, sur Énergie 12. L'exclusivité Micromania, c'est quoi ? Pour toute réservation d'un jeu comme Call of Duty Infinite Warfare, Pokémon Lune et Soleil, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Dishonored 2, Micromania vous offre des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais Micromania va encore plus loin. Vous avez en exclusivité de magnifiques consoles. La PS4 1TB Collector Final Fantasy XV, la console collector Xbox One S Battlefield 1 Vermilitaire. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr sous condition de réservation. C'est là que ça se passe. On est sur Énergie, bienvenue dans la seule émission en public de la bande FM. Je dis bonjour à ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent peut-être pas du tout cette émission. On leur a dit va les écouter, ils sont très cons. Oui, bon, ils n'avaient pas tort, voilà. C'est le cas. Ben, ils n'avaient pas tort. Il y a un homme qui est habillé en femme parce qu'il a perdu un pari. Ah, bonsoir, oui, pardon, Pierre. Il y a Julie qui a la bouche pleine parce qu'elle a toujours pas compris qu'il fallait pas manger pendant l'émission. Voilà. Mais ça, on n'y arrive jamais. Mais en même temps, je peux en profiter pour me remercier Top Burger. Ou pas. Non, pas dans cet état-là. Je suis pas sûr que ce soit un bon état. Les Foodora qui nous ont livré. Je suis pas sûr qu'en étant. Ça fait un peu dégueu. Bah pourquoi ? Comme remerciement. Bah non, justement, c'est bon. Guéguette, ça va mon Guéguette ? Ouais, moi je suis pro, t'as vu. Allez faire attention sur notre Facebook, sur Twitter, suivez-nous sur notre chaîne YouTube parce qu'on a plein de surprises qui vont arriver. On va vous balancer ce week-end la vidéo du range ta chambre qu'on a fait hier. Oui. Chez une demoiselle qui s'appelle Charlotte. Et je peux vous dire que quand on est arrivé, on n'a pas été déçus. Ouais. La chambre était pas bien grande, mais alors, on voyait plus le parquet. C'est-à-dire qu'il y avait un boulot de dingue, on a fait du nettoyage, on a fait des cadeaux. Et on est reparti, elle était nickel. Ouais. Elle était trop contente. Même moi, j'avais jamais rangé la mienne comme ça quand j'avais son âge. Mmh. Et on a fait des petits cadeaux et tout, vous verrez c'est la vrai. Vidéo. Et si ça vous fait kiffer, si ça vous plaît la vidéo et que ça fait des vues, ben on viendra chez vous. Et l'avantage, c'est que vous pouvez vous-même dire, ouais, s'il te plaît, viens ranger chez moi. Mais vos parents peuvent aussi envoyer des messages, genre, s'il vous plaît, il y a urgence, venez. Surtout. Nous, on capitule. Ah, venez, on sait plus quoi faire, ouais. On sait plus dans quel état on est. Oui, bonsoir. Hein. Oui, bonsoir. Hashtag bonsoir, les 3 heures de coco toujours entêté. Vraiment un bel événement. C'est normal parce que ce soir c'est un événement. On fait 3 heures, eh oui. Les 3 heures de coco. C'est un challenge. Hein, c'est un challenge parce que il y a des médecins qui sont là pour notre bonne santé et tout, pour surveiller. On fait des check-up et tout. Hein. Après, je vais lui faire un bisou. Parce que c'est chaud de pas dormir. Est-ce que du coup, on est avec le hashtag les 35 heures de baba ou pas? Je vais aller l'aider après. On est à 2 pas des 35 heures de baba. Eh, tu vas y aller? C'est énorme. C'est rigolo quand même. Le voyant, on fait 35 heures. Moi, on en fait que 3. Oui, je vais aller lui faire un bisou juste après. Bon, parce que 35 heures. Vous avez vu ce matin dans tous les journaux, c'était écrit. Ouais. Coé a fait les 35 heures, machin. Il y a quelques années, on avait fait 38 heures en radio. Mm. Bah, tu sais quoi, je m'en souvenais même plus qu'on avait fait 38 heures. Ah bah, non, je me souviens. Je me souviens plus du chiffre, je me souviens juste que c'était horrible. Ah ouais. Horrible. C'était très dur. Oh, nous, on avait on pas, a pas dormi du tout. Là, hein. C'est 38 heures sans dormir. À la fin, j'avais plus de voix, je parlais comme ça, j'avais tout perdu, j'avais perdu ma dignité, ma voix. Oui. Et j'ai lu que tu voulais battre le record, c'est une blague ou Bah, c'est-à-dire que pour être honnête, on avait prévu de le faire, et puis bah, comme Baba l'a fait, bah, on s'est dit, attends, s'il le fait, on va pas le faire. On va tout le suite. Laisser le faire. Et on avait prévu cet été de le faire, et on a été beaux joueurs. On fait une semaine. Ouais, c'est vrai. Ouais, bien sûr, c'était horrible. Quand il arrive, il sort son bus, mais tu sais pas ce que c'est. Quand il vient d'arriver, écoute les vieux. Ouais. Parce que nous, on l'a fait, on en est sorti différemment. Et tu verras, Cyril, dans quelques jours, quand il va en sortir, on en reparlera. Demande à Stouff comment elle était. C'est une semaine pour bon, le reste. Mais tu l'as fait aussi. Mais oui, elle était là. Elle dormait tout le temps. D'accord. Non, c'est pas vrai, je me suis assoupie 2 minutes. Ouais. Je crois que Pietre et toi, vous étiez venus me réveiller bizarrement. Ouais, je m'en souviens encore. Vous pouvez pas dire ça sans en dire plus, je me souviens plus moi. Mais on l'a appelé Jérémy le Petit. Ah, d'accord. Bah, quand on est clair, moi je suis. On fait un gros bisou à Valentin. Ça va, Valentin ? Ça va, salut l'équipe. Salut mon pote, tout à l'heure on aura un gros dossier, ce sera le dossier première fois. Hein. Ce soir, ce sera le dossier première fois. Vous nous expliquerez si elle arrive, si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, vous nous expliquerez tout. Ouais. D'accord ? Bon, Valentin, de quoi on parlera dans un instant ? Tu nous envoies un mail, tu me dis salut, je suis en couple depuis peu, mais je trouve ma copine collante. Elle veut tout le temps me voir, on dirait qu'elle a... Elle veut tout le temps me voir, on dirait qu'elle a honte de moi. Bah attends, c'est bizarre, ça va pas ça. Valentin ? Ouais. Si elle a honte de toi. C'est en gros, elle veut tout le temps me voir quand on est deux. Ah, en privé. Et quand on est tout de suite avec nos amis. Ah oui, t'assumes nos pas. Amis en tournant, bah, il n'y a plus personne. Le gros problème de quand t'es tout seul, je veux bien, et quand il y a du. Ah ouais. Ah ouais, bah tu bouges pas, mon copain, on va en parler dans un instant, d'accord ? Ok. Tu restes avec nous, hein, t'es promis ? Ouais. Tu promets ? Ne bouge pas, mon copain. Allez, voici MHD, on est sur Énergie. Devenu un frère, quand je marche avec lui, plus rien ne m'effraie. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir, c'est ton jour, la noce va démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, des souvenirs qu'on pourra se partager. Hey, mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Vous passez des rires aux larmes. La première naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, y a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Ce soir, c'est ton jour. La noce va démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand. La famille au complet. Le destin s'est pas trompé. Une étape de franchie. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands. La fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi. C'est à t'ultimer, à quel endroit. Ce soir c'est ton jour, la noce va démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. Hashtag les 3 heures de coco, hein. C'est quand même, attendez, 19h, 22h. Ah oui, on est là, on est sur Énergie, j'espère que tout va de votre côté. Le soir, c'est Coé sur Énergie. Ouais. Coé. Non, Coé. Allez, va te faire foutre. Coé, 19h, 22h sur Énergie. En public, comme tous les soirs. Avec vous tous, si vous voulez être dans le public, vous avez, c'est simple, si vous êtes dans le public, vous vous inscrivez, vous nous envoyez un mail. Public@energie.com. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Je veux l'adresse. C'est coé@energie.com. Voilà. Public pour le public. Public@energie.com. Voilà, d'accord. Et puis comme ça, vous laissez votre numéro de téléphone. Non, mais j'appelle, moi. Non, mais Daniel, on le fera, on vous appellera, d'accord? C'est bien, pareil. Bon, c'est pas grave. Donc, en tout cas, vous aurez la possibilité d'être avec nous dans le studio et vous allez kiffer ce moment. Revenons vers Valentin avant le dossier de j'ai pas encore fait ma première fois, ou j'ai fait ma première fois, ou je vais bientôt faire ma première fois. Ou j'aimerais bien faire une première fois. C'est-elle bien passée, c'est-elle mal passée? On fera le tour de tout à l'heure dans le public. Et là, il y en a qui commencent à se dire merde. Ma famille va peut-être savoir que je l'ai fait. On peut leur mettre une voix masquée. Il hein. y en a dans le public qui sont en train de se dire « Est-ce que je dois mentir ?» Et dans ce cas-là, je dis que je ne l'ai pas fait. Et tous les autres à côté vont faire « Oh, puceau !» Ou alors, je dois dire que je l'ai fait et ils vont dire « Oh, salope, voilà. C'est ça le truc. C'est ça. Faut-il ils sont morts de rire, je crois que c'est la vérité. Hein. Mais parce que moi, par exemple, quand moi, je l'ai fait la première fois, j'avais 18 ans et demi. C'est tard. Hein. Ce qui est tard. Donc j'aurais été à leur place dans le public, le micro serait passé devant moi, j'aurais dit « Merde, je dis quoi ?» Je dis que je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait ? Eh ben j'aurais menti, j'aurais dit avec, ouais, sûr, ouais, mais avec le risque de te faire griller, parce que généralement si tu l'as pas fait et que tu dis que tu l'as fait, tu te fais griller au bout de 2 minutes. À 17 ans, tu peux mentir, personne ne le vérifie. Ouais. Bon, on fait un bisou à Valentin. Valentin, c'est pas son problème, il est en couple. 14 ans, gros problème de la vie. Et sa meuf, elle l'assume pas. Non. Gros. Qui l'assume pas? T'es des gens, en couple à 14 ans. Tu t'emmerdes la vie déjà très tôt, mon gars. En couple depuis combien de temps? Depuis, très peu, c'était quoi, 2-3 semaines, mais... Ah, oui, d'accord. C'est sérieux, alors, hein. C'est sérieux pour moi et pour elle, Bah oui, c'est trop mignon à 14 ans. Surtout si elle veut pas te voir en public, c'est sérieux. Oui. Alors, c'est elle qui t'assume pas en public, c'est ça? C'est un engagement. En fait, quand on est sur un texto et tout, ça passe bien. Mais une fois qu'on est, avec des amis ou même sur les réseaux sociaux, elle se fout de ma gueule, quoi. Elle se fout de ta gueule, carrément. T'es sûr que t'es Ouais, mais genre des smileys qui rigolent et tout, enfin avec des larmes et tout pour rigoler quoi. Mais c'est qui aime bien châtie bien. Bah, smiley avec des larmes, c'est pas je me fous de ta gueule. Oui, mais ça dépend si elle dit avant. Si avant il y a un bouffon avec un smiley avec des larmes, si. Mais ça, c'est quand elle est en public qui sait qu'elle se fout de sa gueule. Et même sur les réseaux sociaux. Nous, tu dis, nous, par exemple, nous les garçons, moi je me souviens quand j'étais au collège ou au lycée, collège surtout, on est très con. Il y avait des filles avec qui on aimait bien être le mercredi après-midi, c'est la fille qui te sert de. Tu découvres le corps, quoi. Ouais. Ouais. Et tu voulais pas que les copains te voient avec. Donc t'as la copine de bisous, mais dès que les copains sont là, t'es à 10 mètres d'elle. Ah, moi j'avais le même garçon, j'avais le même garçon, je changeais pas de garçon. Ah bah, oui, mais parce que lui il parle d'une fille moche en fait. Elle était moche. Voilà. oui. Mais comment tu pouvais te taper une fille moche si elle te plaît pas? J'avais ce que je pouvais. Voilà, c'est comme le mannequin en SVT là où tu sais, le mannequin, c'est pour faire des expériences dessus, c'est pour apprendre, tu vois ce que je veux dire. C'est horrible ce que vous dites. Bah moi j'apprenais à rouler des pelles, mais sauf que quand on revenait à l'école, le mercredi après-midi mon père travaillait, donc elle venait à la maison, voilà, roulage de pelles. Et le jeudi à l'école, on ne connaît pas. Qui êtes-vous, madame? Mais c'est horrible. Mais pense à toutes les filles moches de France. Au moins, elles roulaient des pelles. Au moins, elles roulaient des pelles le mercredi après-midi. Mais oui, mais elles sont utilisées pour ça. Et après, elles sont tristes parce qu'on les quitte au bout de 3 heures parce que c'était juste pour un roulage de pelles. C'est quand même pas moi qui ai inventé le concept de je veux pas être vu avec elle en public. Oui, parce que lui, il le vit, donc ça veut dire que ça existe encore. Ça veut dire qu'il est moche, mais non. Non, il est pas moche. Il a une bonne tête. Ah oui, t'es trop mignon. N'exagère pas. Bah si. Non mais pas exagéré non plus. Non, bah, on n'a pas exagéré, si, c'est que Julie qui a exagéré. Ouais. Mais non, c'est trop mignon. Mais pour elle t'a jamais embrassé devant tout le monde? Non. Mais genre c'est la fille là, c'est la populaire du collège ou Non, pas du tout. Même pas. Ah mec, tu prends cher alors là. Ça pue là. Moi je pense fais la distance. Quand il y a du monde, fais la distance. Ouais. Ouais. Comme ça, c'est elle qui va revenir. Tu sais ce qu'on dit? Elle va pas comprendre au début. On dit suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. C'est-à-dire que plus tu vas la suivre, plus la nana va te mettre une distance. Puis à un moment, tu vas dire oh là là, j'arrête. Et là, elle va dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je le maîtrise plus? Et ça marche très bien. Voilà. C'est comme la théorie du SMS. C'est comme la théorie du SMS. T'es un mec qui drague une nana. Ouais. T'envoies 3-4 SMS de bonjour le premier jour. Mm-hmm. 3-4 SMS le deuxième jour. Mm-hmm. Troisième et quatrième jour. Oh, t'es lourd. Non, le cinquième jour, tu n'envoies plus rien. Et là, la nana, elle se dit, pourquoi il m'a pas écrit aujourd'hui? Parce que pendant 4 jours, tu lui as écrit, et le cinquième jour, elle se dit, il y a un problème. Ah, ça dépend dans quelles circonstances. Et écoutez-moi bien, si là, elle ne revient pas, elle ne t'écrit pas, ça veut dire que c'est mort, elle s'en fout de toi. Mais si c'est elle qui renvoie un petit message, c'est que, ta petite drague de 4 jours, elle n'a pas été si mauvaise que ça. Oui, c'est sûr. Le but du jeu, c'est de pas être ultra lourd. Hein. Oui, premier oui. jour, c'est bonjour, ça va, je vais te prendre de tes nouvelles. Deuxième jour, coucou. Troisième jour. Et c'est le cinquième jour, appuie SMS. Si là c'est elle qui en envoie un, c'est bon, c'est fait. Ouais, c'est pas con ça. Ouais, c'est pas faux. Technique, stratégiquement, c'est pas mal. Du cinquième jour. Ouais, c'est pas mal. C'est mathématique. Ouais, mais faut en envoyer. C'est long, hein. Non, faut en envoyer les 4 premiers jours. C'est ça qui est chiant. Ça va, tu peux envoyer un petit bonjour. Bah, c'est pas la mort. T'envoies un smiley. T'envoies pas des trucs de folie. Pour moi, envoyer un SMS comme ça, c'est un signe de faiblesse. Je déteste faire ça. Moi, je réponds aux SMS, mais j'en envoie pas. Mais toi, t'es très fort parce que du coup, les meufs reviennent. J'en envoie pas. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Bah, si, c'est vrai. Le fait de dire salut, comment ça va, je déteste faire ça. Et c'est ça que les nanas adorent. Ouais. Pas sûr qu'elles adorent toutes. Piètre, pas voir le mec qui donne pas de nouvelles. C'est quoi? C'est une énigme, Piètre. Il est pas sympa qu'une meuf. Mais elle revient toute vers lui. Attends, il est mais pas sympa. C'est ça qu'elle kiffe. Il aime rien faire. Ah. Roulage de pelle. Ouais, ça c'est vrai, ça. Ouais. Cuny, tout ça. Il aime rien. Ouais. Il s'habille en femme pendant l'émission. Il traite mal les. Et elles aiment bien. Eh oui. Ouais, comme quoi, tu vois. Comme quoi, ça peut marcher. Et nous, on arrive avec des bouquets de fleurs, des gentillesses et on fait chier tout le monde. Ah ouais. Voilà. Je vais être piètre plus tard. Excusez-moi, je pensais pas dire ça dans ma vie une fois, mais moi qui suis de retour sur le marché. Mais non, on aime bien les garçons mignons aussi qui nous envoient des messages d'attention. Ouais, enfin tu les aimes bien quand t'es avec quand vous êtes tous les deux, mais la preuve quand t'es avec tes copines, tu veux plus entendre parler. C'est ce qui lui arrive à lui. Un peu. Ah bon, Valentin, laisse-la. Fais la distance. Ouais. Demain tu fais juste salut. Hop, ouais. Rien. L'autre va dire qu'est-ce qui se passe. Tiens, mais qu'est-ce qu'il a? Il est plus après moi, d'accord? Et si t'entends plus jamais parler, c'est qu'elle en avait vraiment rien à foutre de toi. Ouais, c'est vrai. D'accord, mon pote. Ouais. Je t'embrasse, Valentin. Je te fais une dédicace. Ouais, vas-y, fais. Dédicace à mes parents, ceux qui m'ont reconnu, le quick de Tournor. Et Tout ça, voilà. J'aime bien. Et c'est possible d'avoir un poster dédicacé. On t'envoie ça, on les reçoit la semaine prochaine. Voici The Chainsmokers. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Se sont séparés à cause de Koé. Ils auraient pas dû faire le super jeu. Dans ta gueule, moi, ma mère, ça peut être pas loin, ouais. Je sais qu'elle te fait sauter au café. Ah oui, hein. 19h, 22h, sur Énergie. C'est là que ça se passe tous les soirs. Merci de nous avoir choisis. J'espère que vous passez un bon moment tout à l'heure avec nous. Il y aura Souf. Vous l'entendez sur Énergie, là, il viendra le chanter en live. Ouais. Je veux une ambiance de malade dans le studio, hein. Là, il faudra que ça soit un truc de malade quand il y a souffle, que ce soit que ça sente de partout. Hashtag les 3 heures de coco, ouais. Faites tourner sur Twitter, c'est important. C'est important, c'est nos petits records à nous, c'est important de les suivre comme ça. Dans un instant, on aura le dossier première fois. On va en parler quand, c'est pas tout de suite? Alors, pas maintenant, ma mère est la plus cool. Ah ouais, là. Mais moi j'avais envie de faire le truc des premières fois. Attends. Chaud patate. La maman est la plus cool, on va faire un bisou à Caroline. Ça va Caroline? Allô? Allô, bonjour oui, Caroline, comment ça va? Oh, je prends les photos, merci beaucoup. Photo de Caroline, très jolie Caroline. Oh, Oh, merci, t'es gentil. Ouais, ouais. C'est vrai. Est-ce que j'ai la photo de la maman? Mais elle est jolie, ta maman. Fais voir. Oui, je sais. Mais Mika, il est à mort en mode ouais. Mais Mika, il est à mort en mode ouais sur tout ce qu'il voit. Il est dans un tel état dépressif, si tu veux, qu'à un moment donné, tu lui montes n'importe quoi. Il fait ouais. Tout est ouais. Ne bouge pas. Alors, on va appeler ta mère tout de suite. Il est sur moi, là, en ce moment. Ouais. T'as qu'à pas être habillé en femme. Ah oui, bah, j'ai pas le choix non plus. Tiens, on appelle maman. Dans un instant, ce sera le concours pour savoir qui est la plus cool entre la maman de Caroline. Allô. Ou la maman d'Amélie. Comment ça va, Véronique? Ça va très bien, merci. Eh, hey, Véronique, on était en train de dire ouais. Jolie maman. Merci. Ouais. Bon, ça va, Caroline, fais bisous, maman. Bisous, maman. Bisous, ma chérie. Oui, mignon. Alors, Véronique sera-t-elle la plus cool? Attention, on ne connaît pas encore la maman d'Amélie. Ça va, Amélie? Salut, tout le monde. Salut, ma belle. T'habites où, Amélie? À Ifto. C'est où? À Michto? C'est pas loin du Havre. Non, c'est pas loin du Havre. On appelle maman qui s'appelle Céline. Oui, c'est ça. Elle est cool, maman, ou pas? Ouais, sur la photo, visiblement, oui, elle est très cool. Quand on en a fait des grimaces avec des déguisements, on Allô est très cool. Ah, oui. Bonjour, Céline. Ah oui, tu m'étonnes. C'est Coco, comment ça va? Très bien. Ça me fait plaisir de vous parler. Vous êtes en forme? Oui. Je dérange personne, on peut jouer? Oui, pas de soucis. À l'issue du jeu, nous allons savoir qui est la maman la plus cool et qui repart avec quoi, Julie? Une Xbox One. J'ai pas mes questions. Ah bah oui, mais c'est textes. J'ai pas mes questions. Parce qu'attention, on a des questions qui ont été faites par l'université de Michto. De Washington. Qui est une très bonne université. Voilà. Première question. Je m'adresse à Véronique. Tous les combien, et je veux une estimation réelle, tous les combien vous faites des frites à la maison? Ah, c'est important. Jamais. Oh. Qui a dit ça? C'est Véronique. Ouh, Céline, là. Tous les combien vous faites des frites à la maison? Allô? Céline, allô. Oui, j'ai du mal à vous entendre, allez-y. Je disais, Céline, tous les combien vous faites de frites à la maison? Tous les combien? Oui. Oh, bah, deux fois par semaine. Deux fois par semaine? Ah ouais. Ouais. Le point français. Véronique, pourquoi jamais? Parce que j'ai pas de friteuse. Ah, et les frites au four. Allez, les frites au four, il a raison. Ah, ça m'arrive, oui, c'est vrai, ça m'arrive de temps en temps. Bon, on met un point pour les frites deux fois par semaine. Allez, pour Céline. Même si c'est pas bon pour c'est leur pas santé, bon pour le cul, mais c'est cool. Voilà. C'est cool. Deuxième question. Attendez, faut que je... Ah ouais. La dernière trempe que vous avez mis à votre fils ou à votre fille, c'était quand? C'était quand je te mets le trou là après? Hier soir. Oh, merde. Céline, elle a 21 ans, lui. Comment ça, hier soir? Ah non, mon autre fille que je parle. Ah bon, celle qui a 2 ans. J'ai une autre fille, j'ai une petite avec moi aussi. Mais on ne frappe pas. Ah non, avec moi, non. Mais on tombe, les minutes, c'est à ma grande. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait pour en prendre une? Bah, elle avait répondu non, que j'ai pas apprécié. Ah oui, là, bam. Bam. Voilà, donc va prendre du sucre, y'a plus de sucre. Ouais, mais de sucre. Bam. D'accord. Véronique, c'était quoi? Elle m'a répondu 2 fois, donc j'ai pas apprécié. Oui, donc on est prévu. Puis 3 fois, c'est la peine de mort. Évidemment. Bah voilà, exactement. Évidemment. Hein. Véronique, la dernière fois, c'était quand? Il y a très longtemps, je ne sais pas, elle avait peut-être 7 ans. Ah oui, effectivement. Il y a très très longtemps. Je mets un point, Véronique. C'était il y a longtemps. Question suivante. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique à la maison? Je veux un chanteur. Véronique. Un petit peu de tout. Justin Bieber. Ouh, pas mal. Ah, Céline. Moi, j'aime bien la province. Oh merde, égalité. Un point chacune, allez. Qu'est-ce que vous diriez? Attends, faut que je vous trouve un truc, bouge pas. Ah ouais, tiens, on y va. Ah ouais, mais ils vont s'entendre si je donne la réponse. Ah ouais, mais c'est compliqué. Véronique, sans être aidée, donne-moi les prénoms de tous les gens de mon équipe. Ouh, alors là, c'est très compliqué. Céline, vas-y, tu peux l'aider si tu sais. Bah, il y a vous déjà, Coué. Merci. Oui, il y a Coué, voilà. Ensuite. Ah non, franchement, j'ai pas de... C'est génial au bout de 7 ans de voir que personne ne retient les prénoms de l'équipe. En même temps, c'est les mamans. Oui, c'est les mamans. Et oui, voilà, c'est un peu compliqué. Non. Céline, allez, au moins un. Oh mince, vous êtes inconnu. Bah oui, mais on l'a clairement dit, on l'a toujours dit, nous. Ah ouais. Julie, il y a Julie. Ah, qui a dit ça? C'est Véronique. Véronique, un point pour Véronique. Il y a Marion. Il y a Marion, il y a plus Marion. Allez, on retourne vers le futur. À quand la dernière vidéo olé olé que vous ayez regardée? Céline. Oulala. Dernière vidéo un peu sèche que vous avez regardée. Même par erreur, des fois on met une chaîne de télé ou un truc sur un on trappe un truc sur internet, hop, on arrive devant un site. Même sur la TNT maintenant. C'est pas moi, peut-être, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai appuyé sur une chaîne, mais c'était pas. Bien sûr, c'est ce que je dis à chaque fois. C'était quoi? Oh là, je sais pas le nom. Hein. Un film de Radada. Véronique, voilà, c'était quand? C'était il y a, je sais pas, il y a 15 jours, mais ne me demandez pas le titre, j'en sais absolument rien. C'était sur quoi? Sur internet?

première émission radio qui fait plus de vues sur YouTube que les audiences des émissions de télé. Oh merde, c'est et vrai. Pourquoi on les voit pas à la télé alors? Parce qu'ils sont pas design. Koé, 19h-22h sur Énergie. Ils ont des sales gueules. Et c'est pour ça qu'on les met à la radio et que c'est marrant de les voir sur YouTube. On va vous mettre des vidéos ce week-end que vous allez kiffer. J'espère que le public va bien. D'ici quelques minutes avec nous, on aura Sauf qui sera là. Je rappelle que hashtag les 3 heures de Coco est en 4ème position TT France. Bravo. Voilà, donc alors que... Il faut pousser encore le truc, on peut monter en 3ème. Et en 2ème, c'est les 35 heures de Baba. C'est drôle. Ah oui, ça le fera rire. C'est drôle, voilà, mettez-le nous en... Je sais même pas s'il va faire le tilt, mais ça va être rigolo. Donc c'est... Attendez, c'est un record ce soir, on fait 3 heures. Bah, de toute façon, si t'y vas derrière. Si t'y vas derrière. Faudra que tu le dises. Bien sûr, on fait 3 heures, parce que je rappelle que quand même, c'est un record, parce que d'habitude, on fait combien? 3 heures. Alors, ça se... Donc là, c'est chaud. Là, c'est chaud, hein. On peut battre notre record si on fait 3 heures et 3 minutes, les gars. Non, mais Guillaume, il va gueuler après, il est en public et tout. Il faut Déjà, oui, tout à l'heure, à la fin de l'émission, il faut changer le public. Le public, on va le sortir comme ça. On va vous pousser avec les pieds, comme ça. Puis on va rentrer les autres qu'on va jeter comme des sacs de riz. Ou on va vous empiler l'un sur l'autre. On va voir comment on va faire. Oui. On va voir. On va vous faire tomber comme des dominos, on va se débrouiller. Mais tout à l'heure, ce studio, ce soir, il est rentabilisé. Oui, c'est vrai. C'est important. Jean-Paul a bien misé sur un studio, je veux dire, qui va tourner ce soir. Bon, en attendant, hashtag. Les 3 heures de Coco. Les 3 heures de Coco, faites tourner. C'est important, il faut que ça continue, il faut que ça puisse monter. Je compte sur vous, n'oubliez pas. N'oubliez pas que c'est vous qui faites tout dans cette émission. Qu'est-ce qu'on fait? On a Nicolas? C'est ça? Oui, c'est ça. Nicolas! Comment ça va, Nicolas? Mais ça va, et vous? Ça va, mon copain? Bonjour, je suis Nicolas, je vis en colocation avec un couple. Je vis en colocation avec un couple gay, sauf dans ce couple, l'un a eu des sentiments et moi aussi. Il a voulu se mettre en couple à trois. Ah, oula. Oula. Oula, on en parle dans un instant? Oui, oui, hein, je pense que... Il n'y a pas de souci. On en parle. On dirait qu'il y a un problème, je dirais. On dirait que ça peut être compliqué. Voilà. Ce qui n'était pas homo, mais finalement, pourquoi pas? Oui, c'est ce que j'ai compris. Ah non, il était homo dès le départ, non? T'as un hétéro ouvert. Ah bon? Ouais, on en parle après Amir, moi c'est ce que j'ai compris. Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, non, non, je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tu me dis que mon rêve est juste à côté. J'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, non, non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. J'aime bien Amir. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Dans quelques jours, les fans des Fifth Harmony, vous allez les entendre. Elles seront là. On vous prépare une surprise, vous allez kiffer ce moment. Et tout à l'heure, c'est sauf. Sans oublier vendredi, le retour de Zara Larsson. Ça fait quelques jours qu'on l'a, quelques semaines, quelques mois. Mais alors, dans la série, Julie a fait une vanne qu'on a, personne n'a calculée juste avant Amir. Ouais. Où elle a dit, on dirait. Personne bah, je dit. Colle autre au. Merci. Bonjour, donc je suis Nicolas, je vis en colocation, nous dit Nicolas, avec un couple gay. Et c'est bien ce que je disais tout à l'heure, il n'est pas gay. Non. Nicolas, tu n'es pas gay. Nicolas. Ah, faut que j'appuie sur le bouton. Oui. Pardon, excuse-moi, c'est moi de ma faute. Nicolas, tu n'es pas gay. Oui. Non. Sauf que tu vivais avec un couple gay. Oui. Et dans ce couple, il y en a un qui a eu un sentiment pour toi. Oui. Et toi aussi. Oui. Donc t'es pas un hétéro très résistant. C'est-à-dire que il y a un gars qui te dit je t'aime, tu dis oui moi aussi finalement. Ouais, bah, ouais. Mais tu te posais des questions avant, non? Ça fait un bon moment. Ah bah voilà. Mais genre ça fait un bon moment que quoi? Que t'aurais aimé essayer les garçons? Ou que tu te dis finalement ça peut être cool? Ou t'étais un hétéro curieux, c'est ça, chercher le nom. Oui, non, non, je suis pas un hétéro curieux. Bicurieux alors? Non, même pas. Je suis 100% gay. Ah d'accord. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Y'a pas de problème alors. Ah il était gay donc. T'étais déjà gay avant? Oui. Ah bah voilà. Bah, tu vois, t'es parti sur une mauvaise piste. Ah bah donc vous étiez trois à être gays dans le même appartement. C'est ça. Oui. Ça sent la bonne soirée hein. Ah, y a de quoi se marrer, hein. Ouais, c'est comme si tu me disais, on est trois danseuses lesbiennes, on vit dans un même appartement, tu te dis tiens. Bah justement, ouais. Et c'est parti en riz là du coup. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, ouais. Bah ça se passait bien et donc voilà, on a essayé de se mettre ensemble et ça a mal fini. Donc, enfin c'est normal que ça n'a pas pu marcher, il était déjà en couple. Oui. Bah l'autre il va faire la gueule. Attends, mais l'autre est tombé amoureux de toi? Oui. Attends, on résume. Il y en a un qui est tombé amoureux de toi, mais l'autre, il disait quoi, le troisième? Il n'est pas au courant aussi? Si, il était au courant. Donc voilà, on avait une discussion de ça. Et... Est-ce que tu peux enlever ton kit main libre? T'as une ligne ou... de merde, hein. Je sais pas ce que t'as comme téléphone ou comme kit main libre, depuis tout à l'heure, on entend. J'ai pas d'eau-parleur, j'ai rien. Alors parle plus loin de ton micro. Non, j'ai un Samsung qui vient d'exploser, mais... Et c'est là? Clément Jarry parle un petit peu. Ah bah voilà, c'est mieux. Non, c'est pareil, c'est de la merde. Et donc, est-ce qu'il vous avait proposé de dire finalement, nous sommes trois, vivons oui, à trois? C'est ce qu'il a dit, je crois, non? Oui, c'est bien ça. Oui, mais c'est comme tu dis, à chaque fois, les relations à trois sur le long terme, ça paraît compliqué. Bah, toujours un privilégié. C'est difficilement viable, comme on dit. Mais attends, vous l'avez fait au moins pendant quelques temps? Ah oui. Ah ouais. Oh, le bordel que ça devait être. Oh, là, là. Vous étiez à trois dans le même lit? Oui. Oh là là là là. Mais non. Mais ça, à qui guiller le cucu, à qui guiller la guéguette, je sais pas. T'as entendu ce qu'a dit Pietre? Ménage à trois. J'en rêve de faire ça. Oui, ben ouais, avec des meufs. Ouais, ouais. Mais Pietre. Non, mais c'est pas parce que je suis déguisé en femme, c'est un rôle. Pietre, ménage à trois avec deux meufs, je pense que ça marche deux jours. Je pense qu'après, elles te reprennent la tête puissance 2. C'est un fantasme. Ah, d'un seul coup, t'étais qui? T'étais avec ta pute? Tu ressors, t'ouvres la porte, t'étais qui? T'étais avec ta pute? Bah oui, c'est normal. Sauf si les deux meufs se kiffent aussi. Ah, ça doit être bien. Est-ce que tu peux tomber amoureuse d'une meuf et d'un mec en même temps? Tu parles de parler amoureux. Bah quoi, c'est ce que t'as dit. Peut-être il en est pas là pour l'instant, c'est vivre à trois. Ouais, ça va être chambé. Et ça vaut, franchement, ça vaut les emmerdes un petit peu. Ça dépend la taille des emmerdes. Voilà. Mais vous avez quand même fait des cochonneries? Beaucoup? Oui. Oui. On va dire. Et alors, c'est quoi le problème là, du coup? Bah, le problème, c'est que je sais pas comment faire parce que je vais pas dire que j'ai plus de sentiments pour la personne, mais c'est compliqué parce que. Ok. Attends, excuse-moi. Excuse-nous, ouais. Il faut qu'on éclaircisse un truc là qui se passe. On vient donc d'entendre la sonnerie qui nous rend dingue depuis des jours. C'est pas moi! Si, c'est toi. C'est donc ton téléphone. Non! C'est donc ton téléphone. C'est okay. Toi le vélo là? C'est ton téléphone, le vélo c'est lui. Ok. Bien, non, donc, c'est pas aujourd'hui moi. T'es habillé en femme, je peux te dire que lundi tu seras encore habillé différemment. Mon gars. L'émission de lundi, tu démarres l'émission, mais tu vas me la payer cette sonnerie que t'as fait, que c'est genre c'était pas toi. Mais c'est pas moi! C'est toi. Non, mais j'y peux rien en fait, je vous le dis. Ok. Ouais. Je peux pas, j'arrive pas à l'enlever. D'accord, ok. Donc c'était t'as vu, il faisait passer tout le monde, non? Il le savait. Tu vas voir lundi l'émission que tu vas faire, mon gars. Lundi. Vas-y, j'en démarre. Soyez là dès demain, mais lundi 19h. Ne ratez pas l'émission, je vais te faire une petite. Toi, tu vas choisir un costume. Je sais même pas s'il existe. J'ai le temps du week-end pour te le faire fabriquer, le costume. Bon, Nicolas, donc maintenant vous faites des cochonneries à trois, vous continuez? Non. Ah là, il y a un moment. Il y a eu embrouille alors. Ah, d'un coup. Alors, c'était quoi l'origine de l'embrouille? Ah, une grosse dispute par rapport à... L'un faisait plus avec l'autre. L'un quoi ? Ah, plus avec l'autre. Plus avec l'autre. Ah, ouais, mais enfin, quand t'es à 3, c'est un peu compliqué et de dire jaloux, tu calcules pas ton temps. Mais c'est, attends, pour ça, oui, c'est pour ça que ça peut pas, ça peut pas tenir. Je pense que c'est pas viable. Ou alors, je pense qu'il faut le faire ensemble à chaque fois. Je pense que s'il y en a deux qui font l'amour dans leur coin, t'arrives, tu te sors les cartes. C'est fatigant de le faire à trois tout le temps. Non, c'est au moins ensemble. C'est-à-dire que tu peux en avoir un qui dit, moi ce soir j'ai pas trop envie, mais il est là. Oh, oh. Bah si. Si t'as pas envie et que tu peux regarder en plus ton mec se taper un autre mec devant toi. Non, mais regardez, ça reste super compliqué, mais. Il y a un film comme ça, c'est avec Penélope Cruz, là, je crois. C'est Vicky Victoria Barcelona. Tu l'as vu, ce film ? Non, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Bah, en fait, c'est ça, en fait. C'est un couple, il y a une troisième fille qui arrive dans l'histoire et tout le film part là-dessus, en fait. Ah bon. Et puis on peut. Arrête avec ta souris là. Là, tu vas le jeter. Non, ils le font exprès, là. Non, mais là, tu vas le jeter. Il est où, Loris ? Mais il n'y a que toi qui as un Samsung. Non, il n'y a que toi qui as un Samsung. Tu sais, t'as vu ou pas ici ? Ah mais justement, méfiez-vous, sinon je le fais péter moi. Regarde, c'est Loris, il est là, il envoie les sons, le bâtard. Je savais que c'était lui. T'as isolé la sonnerie. Bien joué, mec. Tu vois ? Horrible. Ça me rend ouf. Bon, alors Nicolas. Et alors, du coup, qui a terminé avec qui ? Bah avec celui que j'avais des sentiments. Ah, donc tu as piqué le coloc. Voilà. Et le troisième coloc, il fait quoi alors ? Il reste ? Il fait la gueule ? Il part ? Ah non, bah, là ils sont encore ensemble. Ils sont... Ah non, c'est pas du tout éclairci. Ça sent le bordel. C'est et c'est quoi le problème en fait là ? Pourquoi tu nous appelles au final ? Y'a pas de problème. Bah, pour avoir un conseil par rapport à comment je dois faire, parce que est-ce que je dois partir ou. Déjà, tu dois changer de téléphone. Ouais. Ah, mais attends, qui est amoureux de qui ? Toi, t'es amoureux de l'autre coloc ? En fait, il a piqué l'autre mec, mais les deux autres sont encore ensemble. Mais sauf qu'ils sont sous le même toit. Ouais, mais est-ce que les deux autres ils s'aiment encore ? Ah oui. Ah. Mais mettez un peu de légèreté là-dedans, continuez vos délires à trois. C'est quoi tout de suite les sentiments qui font que l'eau. Ah, mais vous n'allez pas vous mettre à avoir les mêmes problèmes qu'on a nous les hétéros. C'est les sentiments qui viennent toujours foutre le bordel. Bah c'est toujours ça. Dès qu'il y a un truc là, c'est comme les sex friends. Sex friends, ça marche. Dès qu'il y en a un des deux qui a des sentiments, c'est ça fini. Ça marche plus. C'est plus vrai, sex friends, c'est sûr, ça emmerde. Ouais, ça, les sentiments, c'est de la merde. En fait. Mais c'est pas de la merde. C'est pas ça, les gars. Là, les mecs, ils n'auraient pas de sentiments. Ils seraient juste avec un bon feeling. Et ben, ils pourraient faire l'amour à trois. Ça, j'avoue. Sauf que là, il y en a un des deux qui a piqué l'un à l'autre, c'est le bordel. On est d'accord. Guillette, il a raison, les sentiments, ça complique les choses. Et à chaque fois, ça pourrait être beaucoup plus cool, et à chaque fois, ça fout le bordel. Mais c'est beau d'être amoureux, les gars, aussi. Non ? Magnifique, cette phrase hypocrite. Elle est sublime, je la garde, vous me l'enregistrez ? Pourquoi hypocrite ? Non, bah non. Non, mais c'est beau d'être amoureux, vous croyez pas ? Bah c'est vrai, c'est beau d'être amoureux. Je trouve qu'on a tous un ange et on dirait c'est que c'est toi. Hashtag Amir. Ouais. Bon, licorne, allez, licorne. Attention sur toi. Licorne. Je vous emmerde. Smiley cœur dans la bouche. Ouais. Ah tiens, je crois qu'on a ta belle phrase, Julie, ta vanne. On en parle dans un instant ? Oui. Hein, je pense que. On en parle. On dirait qu'il y a un problème, je dirais. Voilà, on dirait qu'il y a un problème, je dirais. Elle a pas compris que personne ne rit à sa vanne. Elle était trop fière. Non, qu'il y a un problème, je dirais. Il y a que Jimmy qui l'a calculé. Ouais, bah oui. Bon, le même humour, ça me fait flipper. Je te fais un bisou, Nicolas. Essaye de calmer tout le business, d'accord ? Ça marche. Allez, gros bisous, mon gars. Éclatez-vous encore un peu. Mettez des préservatifs, protégez-vous. Oh, la vie est courte, c'est tout. Je t'embrasse. Restez avec nous dans un instant. On aura le dossier première fois. Pour l'instant, Sound of Legend sur Énergie. J'adore ça. Ça s'appelle Blue. soir, mon bonheur tient en 5 lettres. C-A-U-E-T. Oh, c'est gentil. J'avais aussi S-E-I-N-S, mais bon, ça, c'est pour plus tard. C'est simple, non ? Koé, 19h-22h, sur Énergie. Merci de nous avoir choisis. On est là sur Énergie avec toute l'équipe. Il y a Julie, il y a Guéguette, il y a tout le monde, il y a Stouff. Oui. Passez-nous un coup de fil sur le dossier. Première fois, il y aura Mika aussi. C'est quoi le numéro ? 0800 70 42 48. Tu voulais dire un truc, Julie ? Oui, ouais. Un truc important. Mais j'ai besoin d'une alerte. Là. Allume l'instant quai. Bah, je sais pas où est le bouton. C'est moi, je viens d'arriver. Hein. C'est là. Hein. Ouais, c'est pas... C'est bon, oui. Ça marche. Alerte. Alerte. Alerte. Monsieur a triché au blind test hier. Regarde le sourire du coupable. Attends, je comprends pas de quoi on parle. On t'a grillé. C'est Stouff qui t'a grillé. Allume le micro de Stouff, s'il te plaît. Non, je sais pas lequel c'est. Si. Il paraît que tu avais tous les titres devant toi sur l'instant quai. Ouais, tout à fait, oui. Tu viens commenter ? Hein ? Nous, on se bat, on fait un blind test pour pas perdre, et toi, tu as les réponses et tu triches. Absolument. Et après, tu nous accuses de tricher. Ouais, je t'ai bien fait, vous l'avez pas vu. Mais quel bâtard. Ouais, absolument, aussi, oui. Bon, bah, du coup, on se dit pareil. Lundi, lundi. Oui, bah, attends, lundi, piète dans un costume ridicule, mais je me retourne vers. Mardi, on peut le faire. Vers Stouff, qui a donc décidé d'avoir un avenir extrêmement raccourci dans cette équipe. puisque donc, elle balance, ça veut dire. Mais ce qui est super, et là, je m'adresse à François Hollande, c'est qu'il y aura une ouverture pour l'emploi dès janvier. Voilà. Stouff, comment as-tu grillé ? Bon, comme ça, en passant devant. Ah, t'as vu qu'il y avait les titres ? Non, mais non, j'ai pas triché. Ah, si, ça veut dire que t'as vu les titres aussi. Tu as vu aussi. C'est Guéguette qui m'a dit. Que dalle, j'avais pas. Quoi ? Mais arrêtez, mais Stouff, n'importe quoi. Tu viens de rester dans cette équipe. Je vous rappelle que c'est moi qui ai perdu à ça, du coup, à l'arrivée, parce que vous avez tous triché là. Guéguette. N'importe quoi, c'est Guillaume qui me l'a appris hier que t'avais triché, que t'avais Guillaume, les titres devant toi. Viens ici, la protéine, viens là. Alors, qui a dit à qui ? Je veux la vérité. Tu joues pour la suite de ton stage, autant te dire un énorme salaire. De quoi on parle là ? Qui a cafeté ? Qui trichait sur le blind test ? C'est pas moi. Mais si, c'est toi qui l'as dit à Guéguette. Regarde le sourire. C'est pas moi. C'est toi qui l'as dit à Guéguette. Mais n'importe quoi. Comment tu voulais que je le voie ? Je suis de l'autre côté de l'écran. Mais j'ai jamais. Koé, regarde-moi. Pourquoi tu dis regarde-moi ? Tu crois que je regarde le mur ou quoi ? Jamais je t'aurais trahi. Le mec, je le regarde, il me dit regarde-moi. Bah oui, c'est déjà ce que je fais. Jamais je t'aurais trahi. Est-ce que, s'il te plaît, en me parlant, tu peux enlever cette main de mon épaule et la mettre sur ma cuisse. Le mec, c'est le pote de 15 ans. Écoute-moi, vieux. Écoute-moi. Jamais je t'aurais trahi. Jamais. Si. Moi, je dis revanche lundi, les gars, et pas de triche. Je redemande Stouff, parce que Stouff, elle sait mentir, mais pas longtemps. Oui, Stouff, c'est pas donne-moi mentir. La vraie version, s'il te plaît. Non. Mais je te l'ai dit. Non. Mais balance, Stouff, balance. Je ne peux pas parler, donc c'est faux. Allez. Mais non. Balance réellement. Non, non. S'il te plaît. Non, non. Mais c'est Guéguette, je vous l'assure. Mais arrête, on ne sait même pas parler de ça, n'importe quoi. Non, me mets pas dans tes histoires. Je crois pas que ce soit Guéguette. Mais je te jure que. C'est Loris qui a balancé ? Ah non, pas du tout. C'est comment tu l'as vu ? Comme tu ça. L'as vu non, donc t'es passé devant l'écran, donc t'avais des réponses aussi. T'as triché. Mais non, je suis passé après, donc on avait joué et j'ai vu après. Que... On l'a enlevé après. Donc du coup, à l'arrivée, t'es le seul coupable là pour le coup. Mais bah j'ai rien fait. Mais comment tu peux. Revanche lundi, moi je dis. À demander que je dois confisquer les téléphones et tout, alors que t'avais les réponses souvenées. Et le pire, c'est que j'ai regardé la vidéo et que le premier son qui vient, c'est Enrique Iglesias, que personne le trouve. Que Loris dit, c'est Enrique Iglesias, et tu fais Enrique Iglesias. Ça c'est magnifique. Ah, parce que t'avais pas vu que t'avais les titres d'abord. Si, mais je fais le mec qui triche, mais pas complètement. Je me mets quelques mauvaises réponses. Non, mais le pire, les gars, c'est que lui il crie Enrique Iglesias, alors que Loris vient de le dire, et nous on fait ouais, ok, bon, le point est pour ça. Je n'ai pas triché, j'ai juste un peu amélioré l'histoire, c'est tout. Non, mais t'as triché. On va pas en parler pendant 1000 ans, et j'ai envie de dire un truc. Mais un coup de pas. C'est tout, ça arrive. Hashtag les 3 heures de coco. Ah ouais, toujours devant. Allez, vous me le mettez, hein, réagissez sur Twitter. Moi c'est Koé officiel, vous nous le montez encore. On est déjà très haut en TT France. Hein. Les 3 heures de coco, ça mérite d'être très haut. Restez avec nous dans un instant, on sera de retour. On parlera de la première fois. C'est ça y est. C'est là le dossier ou c'est oui, encore après ? Oui, c'est là. Ah, la première fois. Qui l'a déjà fait dans le public ? Personne n'est blanc. Il y en a un dans le fond qui a dit ouais, moi, mais je vais la rebaisser parce que personne ne me lève. Bougez pas, on en parle dans un instant. A tout de suite et bienvenue sur Énergie. Vous connaissez tous les nommés. Ils ont maintenant besoin de vos votes. Hey, it's 21 Pilots on Energy. This is Lady Gaga. C'est David Guetta. Hi, this is Coldplay. C'est Maître Gims. This is Charlie Puth. C'est Louane. Now, votez pour les Energy Music Awards.

Ça ne s'arrête jamais. Souf sera notre invité tout à l'heure. L'équipe va bien. Ouais. Pietra, en femme, bah, ça te. Pietra, s'il vous plaît. Pietra, comment vous sentez-vous en femme, Pietra? J'ai les cheveux là. Déjà la phase maquillage. Franchement, je comprends pas comment elles font les filles pour faire ça pendant des heures, des jours. Non, mais même tous les c'est long, c'est chiant, ça fait mal. T'as pas, t'as été maquillée par une jolie fille. Oui, dire, c'est vrai. Je fais un bisou. Voilà. Mais surtout qu'il a plus de rouge à lèvres. Je fais un bisou. Oh. Vous vous êtes fait des bisous ou pas? Vous connaissiez d'avant? Non. Ah, non, contre, on ne connaissait pas, mais on s'est fait plein de bisous. Vous savez pas ce qui s'est passé. Il était dragué ou pas? T'as dragué, on a fait les ciseaux. Non, il a été gentil. Oui, mais justement, c'est sa technique de drague d'être gentil. Mais il t'a dragué. Tout à l'heure, c'est pas ce qu'il a dit. Ah oui, non, ah mais sûrement, en fait, non, mais il y a la technique de genre je roule la mécanique, puis il y a le vrai. Le vrai, c'est un cœur tendre. Oui, c'est vrai. Oui, adore. Non, mais je prendrai ton numéro quand même si jamais j'ai besoin de retouches. Ouais, tu l'as pas déjà? Non, je l'ai pas déjà. Tu l'as pas déjà? Mais non, mais je suis pas un crevard, moi. Je t'ai connu beaucoup plus rapide que ça. Ouais, non, non, non, mais tu vois, non, mais je joue la distance. Mais si, exprès. Tout à l'heure. Si, hein. Non, mais arrête, tout à l'heure, tu m'as demandé. Hein. Elle est géniale. Elle est fantastique. Redonne-moi ton prénom. Jessica. Je t'aime, Jessica. Bravo. Ah, okay. Jessica, c'est de l'honnêteté à l'état pur. Mais elle ment et comme toi, elle maquille. Et toi, t'es une boule de vis, toi. Mais toi, non. Ouh, la boule de vilasse. Ah c'est ouais. C'est pas beau, c'est pas beau. Ah je oui, rappelle, les 3 heures de coco, vous nous le laissez en TT. Hein, c'est important. C'est un gros record ce soir de faire les 3 heures de coco. C'est ça, vous nous mettez ça sur Twitter et qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais je suis épuisé de faire 3 heures d'émission ce soir. T'as rien branlé. Pas facile. Mais t'as rien foutu depuis tout à l'heure. Effectivement, mais c'est épuisant. Depuis tout à l'heure, il regarde son téléphone, il fait. C'est bien, on bat le record. L'activité de Loris depuis tout à l'heure, il regarde son téléphone, il fait. C'est bien, on est entêté. Rien que de le voir entêté, ça me fatigue. Et une fois de temps en temps, il fait. Coco, remotive-les un petit peu, s'il te plaît, faut que ça remonte encore. Voilà, le mec, il. Attends, il m'a dit que ça de la soirée. Et en plus, généralement, il est sur autre chose. Donc quand je lui dis on est où des TT, hop, il se remet une minute. Ah non, là, j'ai que ça, ça. Bon, et alors, on est bien ou pas? On est entêté là, ouais. Non, on est combien? Bien sûr, il y a toujours. Je fais que ça depuis tout à l'heure. Spécial première fois, s'il te plaît. Attention, la première fois, c'est un truc important. Hein. C'est un truc, c'est où c'est. Ou alors c'est. Hey ou alors, pour certains, c'est. Voilà. Le plus souvent. Voir, encore maintenant, pour des mecs qui ont un certain âge, qui bossent à énergie, qui sont standards, qui s'appellent Mika, voir. Et quand des fois il picole un peu, peut-être. Ah oui, t'as raison. Mais rarement. Il va pas jusque là. Non, il va pas jusque là. On fait un bisou à Sophie, 24 ans. Ça va, Sophie? Ça va et toi? Oui, j'ai fait le tour du public. Je vais être honnête avec vous. Pendant la pause tout à l'heure, j'ai fait le tour du public parce que j'ai bien compris que quand on était en live, ils osaient pas me le dire qui a fait la première fois. Mais j'ai détecté tout de suite. Je l'ai vu dans leur regard. J'ai vu qu'ils l'avaient fait et qu'ils l'avaient pas fait. Ça se voit, c'est marqué sur votre front. Non, en fait. On a une lampe, c'est là qui l'a fait, qui l'a là, pas fait. À droite, c'est le cœur des vierges, là. On sent que là, à droite, c'est. Elles sont jeunes. Elles sont jeunes. Ouais, elles sont jeunes. Mais jeunes ne veut plus rien dire maintenant. Ouais, c'est vrai. 13 ans, il y en a qui l'ont fait. Là, à gauche, bon, bah là, à gauche, là, c'est. Ah, hein, voilà, c'est l'histoire ancienne, tout ça. Là, déroulé là, du câble. Là, c'est. Là. Oh, là, il a écrit du page. Là, il a décrit des bonheurs, là, c'est. Non, là, notre ami Théodore, au premier rang. Il est limite, là. Mais c'est pas une limite, je pense qu'il est allé, Théodore. Non, je pense Théodore, pas. Théodore, il est allé. Il a quel âge, Théodore, déjà? J'ai 15 ans. 15 ans. Il est allé, Théodore. Que t'as pas fait. Théodore, il est beau gosse, il est allé. Moi, je dis qu'il bluffe. Ça sent le dérapage du mercredi après-midi. Genre, c'était pas prévu, mais on l'a fait quand même. De quoi? Attends, j'avais pas entendu. Je ça sent, tu l'as fait quand même ça. Les filles balancées si vous avez. Mais tiens, je vais demander aux filles. Moi j'aurais dit non. À 15 ans, moi j'aurais bien voulu le faire. Avec quelqu'un d'ici là? Non. Bah non, puisqu'elles l'ont pas fait, réfléchis Guiguette. Attention, on fait un bisou à Sophie. Comment ça s'est passé? T'as 24 ans, tu l'as déjà fait toi Sophie? Oui, j'ai déjà fait ça. Ah, t'habites à Metz? Il y a longtemps. Alors, à 16 ans. Voilà. Ah quand même. Et alors, c'était nul de chez nul. Pourquoi? Bah comme souvent. Ah, j'ai fait ce que j'ai pu hein. Ah ouais mais bon, c'était nul. Bah écoute, c'était donc à mes 16 ans, c'est mon premier amour. Et donc pour mon premier amour, le 14 février, on s'était dit voilà, le cadeau. Wow. Et donc lui, il m'a offert un très beau cadeau. C'était à l'époque un radio réveil, tu sais, où tu mets le téléphone pour la sono. Ouais. Et toi, c'était tes fesses. Et ben, ce beau radio réveil m'a permis de regarder l'heure pendant tout l'acte. Oh non, c'est horrible. Pourquoi il a pas été bon? J'ai pas compris. C'est lui qui a pas été bon ou toi qui étais pas dans l'histoire? Ben écoute, moi il m'avait dit oui, je l'avais déjà fait, etc. Donc bon. Ah, c'est pas parce que tu l'as déjà fait. C'est pas parce que tu l'as déjà fait que c'est bien. Parce que si tu l'as mal fait, tu peux le refaire mal plein de fois. Et ben écoute, et après il m'a dit qu'il m'avait menti, qu'il l'avait jamais fait avant. Ah. Mais genre tu sens. Et donc du coup. Ça a pas duré longtemps? Non, bah, si, ça a duré très très longtemps, justement. Oh, ah, combien de temps, du coup, vu que t'avais le temps devant toi? Oh, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. Ah ouais. Ah ouais, c'était pour une première fois, c'est chaud. Excuse-moi, attends, une demi-heure, trois quarts d'heure pour un mec qui l'a jamais fait, t'es sûr qu'il était pas normalement, il y a un mec qui rentre avec une médaille à ce moment-là. Ouais, hein, parce que moi, en théorie, ah Guinness, ouais, non, mais y avait rien. Moi, je fais rentrer une fanfare, hein, c'est la Marseillaise. Parce qu'en théorie, la première fois, ça ne dépasse jamais 4 minutes. Mais ça peut être l'inverse, non? Genre, vous avez du mal justement à être excité et du coup, non? Je pense qu'on n'était pas à l'aise, qu'on était tous les deux stressés. Non, on va être honnête. La première fois, un garçon, en théorie, sa première fois, il a une érection de malade. Mais moi, ça n'a pas été tout de suite non plus. Hein. C'est vrai, le stress. Bah, moi, ça a duré, je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais ça a duré un certain temps avant que, d'arriver à la fin. C'était sa première fois. Et c'était sa première fois. Mais moi, je dis ça, mais moi aussi, ça a été un calvaire en fait. Mais ça a pris des plombes et des plombes. Ah. Parce que moi, elle était tellement stressée que j'arrivais pas à. Ah, j'ai eu peur. J'arrivais mais pas moi, à y aller. Moi, j'arrivais pas à rentrer. Ouais. Ah oui. Et du coup, j'étais obligé de sortir de la tente, aller dans la tente d'en face pour demander des conseils à une autre copine que j'avais qui me disait comment il fallait que je m'y prenne. Donc elle m'attendait. Donc ça, effectivement, ça prend. Les déplacements prennent du temps. Hein. Mais je te jure, je passais de tente en tente comme mais ça et j'écoutais les conseils de ma copine qui l'avait déjà fait. Et j'allais voir ma copine avec qui on était tous les deux pour la première fois. Maintenant, je remettais un caleçon, enfin, tu vois. Et hop, je passais de tente en tente comme ça et ça a pris des plombes et ça a été un enfer. T'allais voir un tuto, quoi. Moi, ça a duré une bonne minute. Ouais, comme ça. Ah ouais, mais moi ça a pas été long. Hein. Ça a duré. Ah ouais, quand même. Pas beaucoup plus que non, ça. D'accord. Ça a pas duré des masses. Non, j'étais pas. Mais tu l'as fait. En fait, c'est important si tu le fais avec une fille qui l'a déjà fait. Si elle l'avait déjà fait. Machin, elle l'avait déjà fait. Elle était très à l'aise. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie. J'avais 18 ans et demi quand même. Il était temps. Ouais. Et elle a commencé. Elle était sur moi. Erreur. Grosse erreur. Parce que là, tu maîtrises rien. Erreur que je dis aux débutants, ne laissez jamais la demoiselle sur vous. Non. C'est à vous d'avoir le tempo. Parce que si elle est sur toi et qu'elle est bien contente d'être sur toi, ben. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment, t'as beau lui dire attends. Et t'arrives au attends et c'est déjà mort. Ouais. Moi j'ai kiffé ma première fois. Hein. C'est plus simple pour les filles. J'ai l'impression. Non, j'ai l'impression. C'est stressant, mais. Une demoiselle peut avoir plus mal qu'un mec. Ouais, elle peut avoir mal et c'est stressant, mais quand même, le gros du travail, c'est le mec. Il a pas mal. Pas mal pour un mec. Julie. Ah, moi je suis tombée sur un gros truc dès le départ, les gars. Mais Julie, je veux dire, c'était taillé pour la route, Julie. C'était. Ah ouais, mais par hasard. Hein, c'est une autoroute à quatre voies déjà. Pas du tout, c'était ma première fois, donc pas du tout. Mais c'est pour ça que ça a pris du temps, justement. Mais ça s'est très bien passé. Eh ben, on est content pour toi, Julie. Par contre, tu demanderas à Stouff plus tard. Quoi? C'était pas la même. Ma Stouffette, dans un instant, on parlera de toi, d'accord? C'est important, j'ai envie de savoir. Je te fais un gros bisou, Sophie, à bientôt. Merci, c'est possible d'avoir des places pour l'Energy Music Awards? Ah oui, carrément, deux, puis je t'invite dans ma chambre pour dormir la nuit si tu veux, tu verras, c'est sympa. Il y a une belle vue sur la mer, tu verras, c'est bien. Donc, tu me dis, je t'offre ça, il n'y a pas de souci. Reste avec nous, Jordan, dans un instant, Olivier, Daniel, et l'histoire de Stouff, de comment était cette première fois. Reste avec nous, faut pas le rater ça. Hein. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get this sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. With outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. it slow. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us. Le soir sur Énergie, il y a Koé et toute son équipe. C'est de toute beauté. Oh oui. Ben non, j'ai dit que c'était Koé. Koé, 19h-22h sur Énergie. C'est le moment de parler d'amour puisque nous parlons de la première fois. Pendant Piette se fait remaquiller. Bah, c'est normal, attends, Piette ce soir c'est la, journée de la, c'est la journée de la fille avec un peu de décalage, il a perdu son pari. C'est normal qu'il soit bien en femme, c'est tout. Il va rester joli toute l'émission. Voilà, joli, fraîche et pimpante parce qu'il se dit que toute occasion de drague d'un mec est possible dans la soirée. Ça. De draguer la maquilleuse surtout. Ouais. Il te drague encore ? Mais je suis sûr. Elle est jolie, Jessica. T'as un chéri ? Jessica, t'as un chéri ? T'as un chéri Est-ce ou pas que t'as un chéri? Bien sûr que j'ai un chéri. Oh, ah. Bien sûr que j'ai un chéri, tu dis nous, on en connaît. Guillaume, il est dégoûté, il est sur le dos depuis le début. Vous êtes des chiens de la casse. Il y a une nana qui rentre, non, les mecs sont tous. Non, mais c'est juste qu'en fait, elle connaît, genre sa pote, c'est ouais, avec qui j'étais en boîte. Explication gardée. En vrai. Ouais, moi, j'ai un cousin qui est routier, bon, pareil. Et, pardon, ces explications, elle connaît un pote qui est machin. Ils t'ont dragué? Qui t'a dragué? Ils t'ont dragué. Bah, dis-leur maintenant que t'as un mec, que ça les calme une fois pour toutes. Mais j'ai un mec. Comment il s'appelle? Kevin. Kevin. Ah non, Jessica, pas Kevin. Kevin. Il a des tatouages, non? Il a fait l'île de la vérité. Non, on va le voir dans une émission intelligente, genre les Marseillais. Non, ou c'est pas un Kevin comme tous les Cassos. Non, Kevin. Bah non, non, c'est un Kevin qui a des tatouages, mais c'est pas un Kevin. Mais ça veut rien dire. Ça fait longtemps que t'es avec? Oui. Ouais. Combien de temps? Un an. Oh oui, ah ouais, c'est le déjà pas mal pour c'est commencer. Le début de l'ennui. C'est et la première fois alors. Tombé l'air tout, j'en ai pas. C'était comment la première fois? C'était comment la première fois? Ta première fois? Oh non. C'était comment? Non, c'est personnel. Ce ouais, mais on s'en fout, on n'est pas personnel ce soir, on est entre nous, on est collectif. C'était bof. Pourquoi c'était Kevin n'était pas bon? Non, pas avec Kevin, sa première fois tout court. Ah non, ma première fois tout court ou ma première fois avec Kevin? Première fois tout court. Non, c'était bof. Et avec Kevin? C'était parfait. Menteuse. Bah, si, mais non, mais parce que c'est l'amour. Mais c'est l'amour. Quand elle sera plus avec toi, tu diras c'était de la merde. Non. T'es pourri. T'étais hot. Y'a une petite bite. Y'a une petite bite. J'ai jamais pris mon pied. J'ai simulé. Non. Alors, maintenant, passons à Stouff. Oui. On est entêté. Quoi? C'est génial, Loris. Merci beaucoup. N'hésite pas à intervenir pour justifier ton salaire à tout moment. Attention, Stouff, la première fois. Alors, attention, Stouff, avec des mots, n'oublie pas, il est tôt. Pense au sixième étage. Oui, au cinquième, surtout, parce que c'est le cinquième qui paye l'échec. C'était nul, c'était pourri, pas terrible. Dans le lit de mes parents, à 15 ans. Ah, mais non, pourquoi dans le lit de tes parents? Tes parents étaient plus là. Non, ils étaient pas là. Et ça, c'est encore plus glauque. Avec les parents à côté. Avec les bon, parents à côté. Bientôt, là. Et le mec fait, chut, on va les réveiller. Non, non, ça, c'est pire. Non, voilà, bon, bref, c'était nul, ils sentaient la sueur. Tes parents Non, le gars, je sais plus son prénom. Dans l'île de mes parents. Tu sais même plus son prénom. La première fois, t'étais avec un mec qui sentait la sueur. Bah, il revenait de 2 heures de skate, c'était le skate. Et quand moi, je fais tout un truc en disant que quand je fais l'amour, j'aime prendre une douche, vous me dites ah, t'es chelou avec tes manies. Ouais, et vous préférez être avec un mec qui sent la sueur. Il y a 2 heures de skate et passer une journée sans faire de saut. Eh bah, ben, je suis désolé, une journée sans faire de saut, même en skateur, bah, à la fin de la journée, tu pues un peu la transpi. Ouais. C'est normal. Le pire, c'est qu'il est sorti de l'immeuble, il est descendu, il y avait ses potes qui l'attendaient en bas et il est ressorti avec la capote pour la montrer à ses potes. Genre ça y est, je l'ai fait. Voilà, genre ça y est, merde. Voilà, ça c'est c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'il a dit de toi? Que t'avais été bien ou nul? J'en sais rien, j'ai pas voulu savoir. Oh merde. Et tu sais même plus comment il s'appelle? Moi, tout fait. Je sais plus. Le skater, on l'appelait. Le skater, ouais. Le skater qui pue. il sortait dans la rue, il faut ça pue, c'est le skater qui pue. Voilà, non, mais quand c'est ta première fois, c'est un peu la honte quoi, le gars qui. Ah ouais, qui monte la capote. Moi, ma première fois, je vous dis, j'espère juste qu'elle ne parlera jamais. Elle s'appelait comment? Claire. Témoignera pas. Claire. Je fais un bisou si elle m'écoute. Oh, merde, j'ai oublié son Claire nom. Claire Lafont, elle s'appelait. Claire Lafont, son nom vient de revenir. Ah. Claire Lafont. Moi, il s'appelait Christopher. Je fais un gros bisou si elle m'écoute. Bah, des Clair-Lafond, je pense qu'en France, il y en a une tripotée. Ah, Lafond, ouais. Donc, elle était vers Bordeaux dans le 33, je crois, un truc comme ça. Ah, ouais, d'accord. Donc, je lui fais un gros bisou. Ouais. Voilà, si elle écoute. Ouais, c'était Robert, je crois. Ouais, ouais, débouché Robert. Bon, on fait un bisou à Jordan. Jordan, comment ça va? Salut tout le monde. Salut petit. Jordan, la première fois, c'était à quel âge? T'as 22 ans, mais toi, c'était la première à 14. Wow. Ah, c'est bien! Pour un mec, c'est bien à 14, t'es bonhomme! Non, c'est pas bonhomme, ouais, c'est un peu jeune, Pietre. C'est un peu jeune, c'est un chouïa jeune pour être bon. Ah, mais mec, t'es le patron dans la bande ouais, après. Sauf que je pense qu'à 14 ans, pardon pour ceux qui nous écoutent qui l'ont déjà fait à 14 ans, je pense que t'es nul à chier. T'es ah oui. Tu sais où le mettre, mais après, tu sais pas bien comment le faire bouger, quoi. C'est ça aussi. C'est-à-dire, comment ça s'est passé? Bah, assez mal, étant donné qu'en fait, bah, on a tout bien commencé, hein, tout se passait bien. Sauf que bah, partir à un moment où j'ai commencé à l'apprendre correctement, et puis elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit on dirait des chiens, quoi. on dirait quoi, des chiens. Bah oui, genre la levrette, le machin, quand tu connais pas, c'est un peu sauvage, ouais, quoi. Doggy style, hein, ça fait Doggy style, c'est une des préférées, hein, mais bon, comme ça, à brûle pour point, comme on dit, ça fait un peu bestial. Oui, bah du coup, ça a stoppé là en bas. Ouais, mais d'un autre côté, quand tu fais ta première fois, tu la fais pas comme ça. Et Antoine, excusez-moi de dire cette phrase, la vie, c'est pas un film porno. C'est vrai. C'est-à-dire que la première fois, t'es pas obligé de faire un doggy style. Ça, la papa, t'es à la cool, il faut avoir les yeux dans les yeux de ta partenaire, voilà. Lui dire ça va, t'es comment là? Ouais, tu fais pas mal. Voilà, bah, en fait, c'était pas sa première fois à elle en fait. Ah. Eh, hey, bah quand même, ça aurait dû être elle qui aurait dû te dire vas-y doucement, chérie, je t'aime, je suis là. Bisous, smile. Non, mais c'était pas sa première fois à elle. Oui, j'ai compris, mais elle aurait dû t'aider. Ah, ouais. Tu vois? Et parce qu'en plus, et c'est pas la première fois. Surtout. C'est pas la première fois, et quand tu le fais dans la position, elle te fait un proche. Apparemment, pour elle, c'était la première fois pour elle. Ah, oh, mais c'est compliqué. Enfin, de comme ça, quoi. C'est compliqué. Ah oui, voilà, elle l'avait déjà fait, mais pas comme pas, ça. Ouais, t'avais pas la bonne manière. Envie coupée. Olivier, à qui on fait un bisou, comment ça va, Olivier? Ouais, bah ça va, salut la planète, salut Coé. Ah, attention. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone déjà. Salut la planète, tu l'as vu? 47 ans, lui. Ah, salut la planète. Il y avait pas une émission, il y a ce que j'allais dire. Qui s'appelait Bonsoir la planète. Il y avait il y a 1000 ans. C'était pas Maurice? Non, c'était un mec qui s'appelait Malher. Ouais, le mec qui parlait comme ça, ouais, bonsoir la planète. Je crois qu'il y a 1000 ans, je vais commencer la radio. Ouais. Vous dire, ils ont Malher. Il y a 1000 ans, j'étais pas né, c'est moi. Ça, non, non. Ça fait quelques années que j'écoute la radio, bon. Ouais, effectivement. Parce que dire salut la planète, c'est un truc d'un autre monde. Hein. Bon, Olivier, première fois, t'avais quel âge? 14 ans. On était en franc, donc, et en noir et blanc. Ouais, et alors, ouais, c'était ouais, comment? Carrément, ben. Bah, c'était surprenant, quoi. On était parti pour. En fait, c'était la fille de mon patron, en fait, c'était au vendange. Ah ouais? Et. Une excuse, je sais plus quelle excuse elle avait trouvée. Elle me dit, ouais, viens avec moi et tout, on descend au bourg. Bon, on va au bourg à la fin de la journée de vendange. Et puis, comme par hasard, voilà, ben, la voiture, elle ratatouillait, quoi, au milieu des vignes. Ratatouillait, ben, avec des mots, lui. Ouais. On réapprend des mots, c'est bien. Salut la planète. Ouais. C'est planète. Ouais, donc la voiture ratatouillait. Il y en a qui notent des mots pendant ce temps-là, vas-y. Ouais, et donc, elle m'a dit, tu connais quelque chose en mécanique? Ben, je dis, non, pas vraiment. Ouais. Et elle me dit, en sexe. Enfin, là, je me suis posé la question, quoi. Enfin, j'ai pas eu le temps de me poser trop la question, elle m'a attrapé, et puis ben, j'ai subi, quoi, en fait. Ah, t'as subi, et c'était bien? Ben, c'était bien, ouais, ben, tellement, enfin, j'étais plus dans le flip que dans le plaisir, on va dire. Mais t'as réussi. Ouais, parce que bon, il y avait une belle jument, hein. Moi, je n'étais pas trippé à l'époque. Donc. Elle est de la gazelle, hein. On dirait un animateur des années 80. Et dans une Renault 5 vert pomme, ça craint. Renault 5, là, il y a plein de gens, tu viens de larguer plein de gens en chemin, là. Une vert Renault 5. Le mec, il ne dit que des mots qui n'existent plus avec des voitures qui n'existent plus. C'est comme une Twingo, en fait. Oh la vache. Bon, on te fait un gros bisou, Olivier. Depuis, ça s'est bien passé? Ouais, bah. Ah ouais, bah super, ouais, on a repris le coup, et puis impeccable. Puis on a 4 marmots ensemble. Et, bon, et maintenant, t'es marié, t'es comment? Comment? Ah non, maintenant non, je suis recomposé, famille recomposée maintenant. Ah, d'accord, très bien. Je te fais un gros bisou. C'est du bonheur maintenant. Après Olivier, prénom de jeune, Daniel, salut Daniel. Salut Daniel. Oui, il est jeune lui. Tu t'appelles Daniel? Bah oui. Non, arrête de mentir. Bon. Daniel, ne bouge pas, il y aura Roxane dans la foulée. Ça va Roxane? Oui, ça va. Ça va, ce sera à toi aussi dans un instant. On parlera de tout ça, ma chérie, d'accord? D'accord. Tu nous expliqueras ta première fois. Tu nous diras comment ça s'est passé, si c'était bien ou si c'était pas bien, d'accord? Ouais, ok, d'accord. Allez, bouge pas, ma chérie. Tout ça après Richard Orlinski, va Simon sur Énergie. Where is all this going? I don't wanna hold back. I don't wanna let you in. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life.

sud, dans l'ouest, dans le nord, dans l'est, partout, à Samé, dans le nord, et non pas sa mère. On va aller pour un one man à Sainte où je vais aller mixer samedi soir et tout, et dans plein d'endroits et partout où je vais aller me balader. Vous qui nous écoutez dans le monde entier grâce à l'appli Énergie, qui nous suivez sur nos chaînes, sur YouTube et tout. Ouais. Et tout. Ouais. Gros bisous à vous tous, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Voici le dossier. Alors, comment qu'elle était cette première fois, Daniel? Oui. Alors, première fois, c'était à quel âge? Eh monsieur. C'était à 18 ans. 18 ans? Ah, comme toi? Ouais. Ouais, comme moi, dis donc. Et t'as quel âge aujourd'hui, là? Parce que... Là, j'en ai 24. D'accord. Bon, et c'était comment, alors? Bah, franchement, c'était super. Mais après, au bout d'un moment, il y avait ses parents, comme ils sont boulangers. Donc, au bout d'un moment, on a entendu la sonnette de la porte d'entrée retentir. Donc, on a dû s'arrêter. Retentir? J'ai entendu la sonnette à la retentir. C'est marrant, comment tu l'as dit? J'ai entendu retentir. Mais pourquoi? Vous étiez où? Vous étiez dans le four à pain? Non, c'était dans la chambre à ses parents. Ah, dans la chambre des parents, voilà, vous l'avez faut, fait. Je faut pas ouais, ça. Ouais, mais tu fais ça où? Bah, elle a une chambre aussi. Dans la chambre. Faire sur un tapis. En fait, elle avait plusieurs frères et sœurs. Donc, vu qu'eux, ils étaient en haut, ils prenaient toutes les chambres. Donc, nous, on avait que la chambre des parents pour le faire. Ouais, vous prenez. Et alors, comment ça s'est passé? Bah, franchement, c'était super. Hein. Non, mais d'accord, après, mais le père est arrivé ou pas? Non, du tout. Ah, mais vous avez pas été jusqu'au bout, du coup? Non, voilà, on a pas pu terminer. Ah, et depuis, t'as pu terminer ou pas? Ah oui, depuis oui. C'est vrai, j'ai resté un an et demi avec elle. Donc, Et première fois, très bien? Ouais, très très bien. Ça a duré assez longtemps même. Oh, petite prétention, n'était pas là. Vous l'avez jamais fait, vous, avec les parents à côté? Non. Si, avec la mère qui passe l'aspirateur dans le couloir et tout. C'est mais bon. toi, tu ferais tout. Toi, ça t'es dangereux, toi. Ouais, non, mais c'était chaud, hein. La porte, elle était pas fermée à clé en plus. Mais elle savait que j'étais avec ma copine dans la chambre. Et évidemment qu'elle allait pas rentrer, ça aurait été idiot. Ou alors pour la blague, quoi. Je t'ai vu. Moi, j'ai eu peur la première fois. J'avais ramené une nana à la maison. C'est la seule fois où mon père, le matin, il a amené les croissants. Ouais, tu nous avais raconté. Mais il le faisait jamais. Le truc gênant. Et là, il l'a fait, mais en mode, tu sais, il a frappé, mais tu sais, pas en mode. Oui, j'ouvre la porte. En mode. C'est le petit déj. Tu vois? Non, mais ça, c'est pas bien, ça. C'est mignon. Il attend que tu attends qu'on te réponde. Donc, hop, j'ai juste le temps de remettre la couverture. Heureusement qu'on n'était pas en train de. Ouais. Parce que déjà à l'époque, pas le matin. Déjà, dès le départ. Pas le matin. Oh merde. Et il était là, il avait bien maté parce qu'elle était jolie. Il était là, il matait quand même, il essayait de voir un truc, tu sais. C'est normal. Non, c'est vrai, je trouve c'est mignon. Elle était plus vieille que moi, elle avait 28 ans. Hein. T'as une nana qui a 28 balais, qui est dans le lit de ton fils, t'as envie de mater un peu. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Ah, excusez-moi, vas-y, paye un. Moi, mon père, demain, mon fils, il ramène un top modèle. Tu vas aller faire le lourd, aller taper à la porte et. Mais moi, je ferais même l'inverse. J'ouvre la porte, je tape après. Mais enfin, c'est normal, t'as envie de mater. Si t'as une très belle nana, tu te sais, gars, tu te dis si jamais. Hop, hop, hop. Bah, je me souviens, mon. T'es fier, tu dis bravo, mon fils. Au petit déj, mon père, il me faisait des clins d'œil. Bonjour mademoiselle. Ah, pas discret, là. Tu sais. Ah, bah, je connais ça ton père. La famille de Pierre. Ouais, voilà, j'aurais dit ça. Mon père était hyper discret. J'aurais dit allons. Je te fais un bisou, mon Daniel. Roxane, t'es la dernière à passer. Comment c'était cette première fois? Oui. Alors, bah, moi, en fait, c'était vraiment cet été-là. Quel été? Cette année. Ah, cet été-là? Ah, oui, là. Bah, c'était cet été, ouais. Quel âge? C'est le 19 août, précisément. Ah, 19 août. 21h32. Tu retiens la date? T'es fini à 21h34. Je t'en souviens plus, mais. Non, c'était genre dans la, en pleine nuit. En fait, si tu veux, mon copain, il habite dans un village à côté, parce que nous, on est bien perdus dans la montagne. Et en fait, on se voyait souvent la nuit, genre vers 1h du mat, un truc dans genre. Et en fait, on avait genre tout prévu, parce que je revenais d'un mois de vacances où on ne s'était pas vu. Et du coup, il avait ramené une tente et tout, on avait prévu les chamallows et tout. Et on avait fait un feu et tout. Et on était grave équipés. Hein. Et en fait, on s'est posé derrière un cimetière, genre l'endroit vraiment très. Ah ouais, c'est glauque. Beaucoup de gens ont niqué derrière un cimetière. Ah, mais je même pas. Parce que quand t'habites dans un petit village, c'est souvent l'endroit le plus calme. Ouais. Ah, excuse-moi, il y a plein de gens qui ont flirté dans des cimetières. Mais c'est glauque. Ouais, mais quand t'as 17-18 ans, c'est la peur te fait. C'était pas trop glauque. C'était dans une tente, il y avait juste un mur qui séparait des morts. Bon, et alors? Un mur qui sépare des morts. Ah, s'il y a un mur qui sépare des morts, ça va, ça va. Non, et alors? Et bah, du coup, franchement, c'était super cool. J'ai pas eu mal de rien. On l'a fait 3 fois au total. C'était assez sympathique. Trois fois au total? Ça a pas duré très longtemps, mais c'était bien. Trois fois pas longtemps? Je regarde ça avant. Ça faisait peut-être 3 minutes et 10 minutes. Trois fois pas longtemps? Ouais, quand même, pas longtemps. Hein. Ah, mais c'est. Il l'a refait 3 fois, c'est bien quand même. T'étais contente? Ouais. Il a mis des préservatifs? Oui. Sûr? Oui, c'est. Et les voisins morts n'ont pas. Attends, tu vas voir, j'ai gratté une troisième fois, je suis sûr qu'elle va nous dire que la troisième fois, il n'en avait pas. Ah non, si, on en avait vraiment les trois, c'est après les fois suivantes où. Bah voilà. Plus... Bah évidemment. Oui. On l'a fait trois fois, pourquoi les fois suivantes, on en garderait? À la fin, t'as mis une plaque de cimetière, un souvenir de ma virginité. Avec mon hymen, adoré. À mon hymen, 19 août 2016. Au moins, elle a un bon souvenir, c'est oui, cool. Oui, bah tu sais quoi, est-ce que vous êtes encore ensemble? Oui, on est toujours ensemble, oh. Ça fait 8 mois et demi maintenant. Ah, oh, c'est beau. Ça me donne envie de jouer du piano. Je te fais un gros bisou, Roxane. Oh. Bisous, ma chérie. Tu nous as amené beaucoup d'émotions, tu sais. Il va falloir qu'on décharge tout ça, ça va pas être facile. Il y aura Souf qui sera notre invité tout à l'heure. J'espère que vous kiffez cette émission. Hashtag le... Les 3 heures de coco en TT. Cool. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me. Je serais bien tenté de faire celui-là. Ah oui ! Arrête de gueuler ! Arrête de gueuler ! Arrête de gueuler ! Le mec, dans cette émission, il n'a fait que dire « C'est bon, on est en TT !» Ah oui ! Et on est toujours en TT, hein. Les 3 heures de coco, ça mérite quand même d'être en TT, parce que... Attends, tout le monde est premier degré dessus, hein. Il vous reste 26 minutes, vous allez tenir... Mais c'est un putain d'événement quand même. Ah ouais. La question, c'est est-ce qu'on va faire 3 heures et 3 minutes ? Parce que si on rend à 22h03, on bat le record des 3 heures d'émission. On fait 3h et 3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Julie ? Qu'est-ce que tu cherches ? On m'a piqué mon téléphone. Tu coupes l'émission pour ça ? Enfin, Julie, tu coupes l'émission parce qu'on a piqué ton téléphone. Arrête d'être soit professionnel. Ça ne s'apprend pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a le temps pour quoi ? Jus ! Pour faire le jeu du public. C'est quoi le jeu du public pendant que je fais écouter Fifth Harmony ? C'est la journée internationale du burger. On a mangé d'ailleurs. Merci à nos amis qui nous ont apporté des burgers. C'est vrai. Donc, du coup, on va offrir un burger aux gens du public. S'ils répondent bien aux questions. Non, il n'y a pas de questions. C'est bien, excuse-moi, vous la bossez bien cette émission sinon globalement. Pierre. Ah oui, le dé, voilà. Pietre, il y a plusieurs ingrédients, ça y est. Ça te dérange pas de découvrir l'émission et d'être auteur? Parce qu'on l'avait fait avant ça. Non, d'accord. Et en fait, on a plusieurs ingrédients pour les hamburgers. Que des bonnes choses qu'on a achetées aujourd'hui à mettre dans le hamburger. Les gens vont lancer un dé. Et s'ils tombent sur le 1, on mettra un ingrédient. S'ils tombent sur le 2, on met 2 ingrédients. Si 3, 4, 5, jusqu'à 6 ingrédients. Moi, je propose qu'on fasse jouer Théodore. Alors, est-ce qu'on parle des ingrédients d'abord ou pas ? Théodore, c'est la star. En ingrédients, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons du bulot. Je peux te dire dans l'ordre les trucs. Ouais. Alors, la base, c'est le pain burger avec le steak. Voilà. Normal. Si le mec il fait 1, il a ça. Voilà. En 2, on rajoute du gras de rillettes. Oh. En 3, voilà. Du cassoulet froid. Oh. Qui a l'air bien dégueu. Ouais, il a l'air bien. En 4, du poivre. Oui, c'est là. En 5, des bulots. Il y a toujours des bulots dans un burger. Et en 6, du tabasco. D'accord. Voilà. T'imagines, le mec fait 6, il a tous les ingrédients. Personne n'a la religion qui interdit les bulots et le tabasco. Ça n'existe pas. Ne hein. Me sortez non, pas des conneries sur le tabasco. Ne sortez pas des religions à la con. Nouvelles trucs. Je suis tabascologue. Les rillettes, les gars, elles sont à quoi ? Mais c'est le gras. Oui, enfin, c'est quand même du gras. Il y a du porc quand même un peu. Bon, allez. Oui. Théodore, viens ici. Oui, viens ici. Tu lances le dé, s'il te plaît. Voilà, le voilà. Tu joues gros. Tu joues pour ton estomac et pour tes draps. Tiens, lance-le. Ah oui, tu joues aussi ici. Tu joues pour une nuit tranquille ou une nuit agitée. Vas-y, Théodore. Ah, c'est un bien. Burger. Non, il a que le pain. Donc, t'as le burger de base. T'as le burger de base. Mais il est froid. Il est froid. Ça va. Ouais. Bah, allez, vas-y. Ensuite, on prend le mec de droite. Le mec de droite, ça. Mec de droite, vas-y, lance le dé. Là, lance-le par terre. Lance-le par terre. Viens ici. Ouais. Si, si, si, ouais. Si, ouais. Le grand champion alors, de la soirée en est fier de toi. Mais les bulots. La complète salade tomate oignon. Mais un petit peu de poivre. Hein. Oh là là, celui-là. Même moi qui ai fait des hamburgers dans ma vie, je peux te dire que celui-là, on n'a jamais osé le faire. Un peu de tabasco. Et le bulot avec la coquille. Non, je déconne. Vas-y. Qu'est-ce que vous en êtes tout, Pietre ? Alors, décris, là, je suis en train d'étaler le gras de rillettes sur les bulots. Mais pas de ça, tabasco, mec. Le meilleur, mais j'en mets encore du pain. Attends, on va mettre un peu d'eau. C'est quoi le cassoulet ? On va juste mettre le jus. Hein. Ouais. Oh. Ouais, vas-y. Voilà. Et de toute façon, le bulot, ça adoucit. Hein. Ouais, c'est bien connu. Ouais. Allez, on referme le tout. Ce jus. Vous avez tout ? On referme le tout. Et maintenant, j'ai envie de dire, redonne-moi ton prénom, jeune homme. Jean. Dégustateur. On a mis un petit bulot sur le côté pour la déco. Jean. Il va goûter. Vas-y, Jean. C'est un bonhomme, Jean. Je le sens bien. Je ne pas, je suis à côté. Jean. Je chope un bulot en même temps. Allez, vas-y. Je laisse mâchouiller, Jean. Mâchouille, Jean. T'as le bulot ou pas ? Ouais. Ah oui, apparemment, ouais. Ah, Jean, vas-y, donne-nous tes descriptions. On en est où ? C'est pas bon. Continue. Ah. Tu n'es pas encore tombé sur le tabasco, à mon avis. Tu vois, il va arriver en deuxième temps, le tabasco. Qu'est-ce qu'il y a ? Il fait une sale tête, hein. Ça pique. Allez, une deuxième bouchée pour papa, Jean. Allez. Une deuxième, Oh, le pauvre, il va être malade, Jean. Qui c'est qui va faire des caca qui brûle ? C'est que des bonnes choses. C'est lui qui va faire des caca qui brûle, c'est notre Jean. T'habites où, Jean ? Le Valois. Eh ben, on te fait un gros bisou. On va suivre la trace. Ouais. Bravo, Jean. Appelez le SAMU, s'il vous plaît, pour Jean. Welcome. Ladies and gentlemen. Welcome à Skip TV FM, comme vous voulez. 1, 2, 1, 2. Le rap est démodé, on est loin de l'époque de M.O.B. Askip, le black est surcoté, sa fin est proche, il devrait se mettre sur le côté. Askip, si je ne vais pas voter, ils vont renvoyer ma communauté. Askip, je suis revenu pour tout rafler, dites aux jaloux qui pourront jamais me saboter. Oh, the roof is on fire, les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire, les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement higher. Askip, je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Askip, je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier mais. Commencez, je vous emmerde tout seul. J'ai commencé, je finirai tout seul. Ils font Zarma mais m'écoute en douceur. Bienvenue dans mon monde où tu peux pas dire pousse. T'as pas un rond, les gens vont te dire pousse-toi. C'est pas marrant quand tu viens de la brousse. Demande à papa qui s'est fait éclabousser. À peine arrivé, on te dit allez, ouste. Il y a de l'or mais je me demande où ça. T'es dans la merde si tu t'appelles Moussa. Ils veulent ma peau parce que j'ai dit le mot. Je suis comme Michael, je me demande who's bad. À la base, j'ai pas demandé tout ça. Pas là-bas, le rap c'est nous, on ne bouge pas. Ça tire mais ça ne me touche pas. Bla bla bla. Je mets le forum sur Bouska. The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement higher. The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement higher. tout bap. Les yeux sur toi et tu te prends pour Tupac. Ils attendent d'être validés par Booba. Moi j'attends mon chèque, ça faut le dire tout bas. Baisse la tête au cas où le coup part. Je suis comme Benzema, je suis pas du tout coupable. Non messieurs, je ne suis pas un loupard. Mais Dawa dis-le que quand on dit on ne loupe pas. Fouille ma vie, regarde-la à la loupe. Tu verras la racine africaine à la fois les poupas. J'sais que ça dérange les pures souches. Odeur m'a fait gros couscous. Sûr de moi, non j'en ai pas la frousse. Je suis comme Mesrine Vest, le commissaire Broussa. Depuis le début, ils sont tous à mes trousses. Section d'assaut Watibé, Harry, oui c'est mon Broussa. On dit que je suis dans ma folie. Oui, on dit que je suis dans ma folie. La semaine prochaine, mercredi, on se fera une émission pour débuter les vacances de ouf. Ce soir, mea culpa. Souffle. S'installe chez Koé sur Énergie. Faites du bruit pour Souffle qui est notre invité. Avec toi mon pote, comment ça va? Ça va super. Ça me fait plaisir de te voir. Je disais pareil. tout l'été, on a bouffé, mea culpa. Hey. Mais tu sais, moi j'étais là, tu rentres dans la douche. Mea culpa. Ouais, tu ressors de la douche. Mea culpa. Ouais, je suis allé aux toilettes, je disais. Mea culpa. Ah oui, en sortant des toilettes, je suis partout. Avant c'était Jeff qui me disait. Mea culpa. C'est vrai, on partage des toilettes, on est très comme ça. Tout le temps, tout l'été. Et là je suis content parce que ça continue encore. Grave, mais je suis grave content. C'est ça qui est ouf. Bon, alors, la suite, cet été, t'as fait quoi? J'ai pas pris de nouvelles depuis. Franchement, cet été, tournée de malade, j'étais partout. On a fait toute la France, le Portugal, l'Espagne, c'est un meilleur été. Vous notez les impôts, c'est son meilleur été. Non, ça vaut plus qu'une déclaration, meilleur été de toute sa vie. C'est en souvenir. Il s'est amusé, c'est ça. Voilà, on s'est super bien amusé. Oui, c'était super. Voilà. Les impôts, ils disent trop tard, on a noté, monsieur. Il est parti en vacances au Portugal, partout. Il a pas dit en vacances. Il y avait une date là. Donc voilà, c'était super, franchement. Il y avait un concert. Non, mais on est content pour toi en tout cas. C'est gentil, merci beaucoup. Est-ce que le truc le plus kiffant de l'été, c'était quoi? Franchement, c'était la date au Portugal. La date au Portugal, je m'y attendais pas. Chaud, tu vois, parce que moi, je suis un petit énorme, français. Tu vois, je suis super content de ce qui se passe ici. Et quand tu vas là-bas et tu vois que les gens connaissent le morceau, qu'ils me connaissent, que c'est la folie, que. On va se dire un truc. Franchement, le Portugal l'été, c'est toute la France qui y est. Oui. Parce qu'entre les Français qui partent en vacances et les Portugais qui rentrent au pays, c'est vrai. Mais détrompe-toi, il y avait aussi des Portugais qui ne parlaient pas français. Moi, j'ai mixé là-bas une fois, j'ai kiffé parce qu'ils étaient, il y avait justement ce mélange. C'est vrai, il y avait les Français en vacances, les Portugais qui te connaissent parce qu'ils rentrent au pays, et ceux qui ne connaissent pas, mais qui kiffent et qui font la fête. Et puis, il faut dire que franchement, les Portugais sont hyper gentils, hyper accueillants. Franchement, j'avais déjà entendu parler de ce truc-là. C'est énorme. Mais ça m'a choqué. Et pour être honnête, moi, j'ai fait la Coupe d'Europe, la finale. J'étais côté portugais. Pas que je l'ai voulu, mais la loge où j'étais était côté portugais. Ouais. Et ben, en niveau supporters, ils sont fantastiques. C'est un truc de malade. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? On m'a piqué mon téléphone, ça rend ouf. Écoute, arrête l'émission pour ça. Mais les gars, je suis connectée avec tous les gens de l'équipe, avec ce téléphone. Du coup, je ne contrôle plus rien. Ça ne te dérange pas, un invité vient de s'installer, elle fait on m'a piqué mon téléphone. Vas-y. Mais c'est toi qui me demande ce que j'ai, je te dis ce que j'ai. On voit bien, tu es là, tu fais des trucs. Il y a des trucs de cul dessus, il n'y avait pas en avoir. Mais je communique avec vous tous et du coup je peux Et si on se faisait mea culpa, j'ai envie qu'on se fasse deux titres avec toi. Vas-y, mets-toi en place, camarade. Allez, le public, tout le monde debout. Je veux que ce soit la fête chez vous à la maison. Les 3 heures de coco en TT. Ah oui, toujours. Parce qu'on va peut-être battre le record ce soir. Je peux pas vérifier, moi, perso. On va peut-être faire les 3h03 de coco. Mais pour l'instant, on va battre le record, les gars. C'est notre record à nous. Je vous demande de faire énormément de bruit. Notre invité, voici Souffle, mea culpa. Yeah, yeah. Ok.

tout. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque ! Et vive les super pouvoirs d'achat ! Va mon héros, va chez Leclerc. Événement. L'aventure Friends Trip revient pour une nouvelle saison sur Énergie 12. Quatre équipes de trois amis vont vivre un road trip hors du commun au Canada. Au bout de l'aventure, un seul d'entre eux pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Défi extrême, amour, stratégie, aventure, trahison. Ils vont devoir se surpasser pour remporter le road trip de leur vie. Leur amitié résistera-t-elle ? Friends Trip, saison 3, à partir du lundi 24 octobre à 18h15 sur Énergie 12. Souffle. S'installe chez Koei sur Énergie. C'est celui-là, j'essaie de trouver. Asseyez-vous, vous avez changé mes micros aussi. Moi, si vous me changez les micros et que vous me prévenez pas, il faut que j'enlève ce. Attends, mon téléphone. Non, mais. Oh, hey, vous... ah. Excusez-moi. Vous... Non, mais vous êtes sérieux. On m'a piqué mon téléphone. Il y a un truc là. Non, mais vous allez pas. Attendez, excusez-moi. On non, est... mais les gars, si les téléphones restent là, alors Guillaume arrive. Moi, je bouge pas du studio. Hein, je vous préviens. Bienvenue dans la première émission de France. Vous êtes en train de me saouler depuis 10 minutes avec votre téléphone. Oui. J'ai le mien. C'est le principal. Ah ouais. Ok, l'émission peut continuer. On a Souf qui est là, qui a un album qui s'appelle Alchimie. Exactement. Qui a fait 47 millions de vues avec son premier c'est un truc de ouf. Mort, exactement fait 47 ça. Millions de ouais, vues. Ouais, truc de ouf. Hein. Ah, joli. Ça augmente en plus encore maintenant, donc tu vois. C'est beau choqué. Ça. Ah, je suis choqué. Je suis choqué. Mais dans le bon sens. Sérieux, je suis choqué. Non, on va se faire ça dans un instant. On va se finir avec Mia Mort. Moi, j'ai envie qu'on finisse tous là-dessus. T'as pas des confettis ? D'habitude, tu nous saoules avec tes confettis. On peut en trouver. Non, attends, Loris, excusez-moi. Attends, Loris, il nous fait chier en permanence avec Mia Mort. Souffle, il vient. Merci il va le chanter, le mec. J'adore. Non, mais il faut quand même que tu saches un truc. C'est que le mec, il dit bonjour, c'est lundi, il y a des confettis. Ah oui. Salut, au revoir, on est mardi, il y a des confettis. Et on se fait pourrir parce qu'on en ramène partout chez nous à chaque fois. Là, il y a sa chanson préférée. Le mec qui confetti. C'est bon, ça arrive les gars, laissez-moi 4 minutes s'il vous plaît. T'exagères un peu là. La mission finit dans 4 minutes mec. Et bah justement ça va finir avec des confettis. Bon en tout cas on s'est fait une belle émission, c'était un kiff cette émission en direct, moi j'ai kiffé. Voilà, on était bien, on était tous là avec le public, était beau, avec des jeunes qui ont fait l'amour pour la première fois il y a peu de temps, certains qui vont le faire dans pas longtemps. Théodore qui est un vieux routard du sexe, qui l'a fait plein de fois. Ouais parce que je t'ai pas expliqué, ce soir le thème c'était la première fois. Ouais. Ah comment ouais, ça s'est bien passé toi ta première fois ? Ma première fois ? C'est tout à l'heure, il est content, wow, c'est sourire. Ouais, c'était bien. Oh là, ça a pas l'air emballé. Non, c'est très bien, très bon souvenir. Ah oui ? En fait, mon père écoute l'émission Papa. Ah oh, mais pour le papa, c'est une fierté. Juste pendant 15 secondes, s'il te plaît. Attends, on va laisser. C'est quoi le prénom du papa ? Papa, c'est Kamal. Alors, Kamal, on vous laisse 2-3 secondes pour aller écouter les résultats du tiercé. Voilà. Changer de radio. Voilà, on me dit qu'il est plus là, Kamal, on peut y aller. C'est bon, Kamal, t'as éteint, je compte sur toi pour éteindre. Non, c'était un bon souvenir, franchement, c'était un super. Ouais, c'était bien. T'étais amoureux ou pas ? Franchement. Ah, malheureusement, non. Mais tu sais pourquoi ? Non. Parce qu'on m'a pressé. Tu sais, il y a la pression des copains. Mais souvent, c'est ça. Mais c'est ta fête. C'est toi, tu l'as fait, tu l'as pas fait. Franchement, elle était. Ouais, c'était jolie. Ça sent vite fait. Ça sent la pression des copains. Elle était jolie. Mais bon, j'étais franchement, c'était une première fois pressée. C'était sa première fois. On m'a dit que Kamal viendrait écouter. C'était sa première fois ou pas ? Ah, je parle plus, censure. Papa, éteins le. Mais pour un père, moi, je pense que le père, il est fier quand son fils, il fait ça. Tu penses ? Mais oui, quand ton fils il le quand fait, ton fils, là, ouais, mode, quand ta fille c'est, moyen. Quand c'est ta fille, tu fais dis donc. Hey, oh puis ton fils il le fait, tu fais ah, c'était mon fils. Ouais, c'est pas la même fierté, il y a un truc. Ça va, bon. Il y a un truc. Bon, en attendant, on se fait mis à mort dans un instant ? Oui. D'accord, yes. Guillaume il arrive juste après ? Oui, tout de suite. Expliquez-moi la gestion du personnel parce que là on va être. Alors, logiquement, ça va être un bordel. Il est sur un siège éjectable géant donc il va s'envoler. Logiquement, Souf fait sa dernière chanson. On enlève. On sort notre public. On dit bonjour à Guillaume, on sort notre public, il fait rentrer le sien, et voilà. On laisse l'antenne à Guillaume. Mais alors j'ai rien compris parce que Loris. Bah, tu m'écoutais pas surtout. Non, j'avais rien à foutre en plus. Parce que je lui disais qu'on était en TT. Ah encore ? Ouais, bah il a fait que ça. Il a fait ça. Ça a été son CDD de ce soir, c'est me dire qu'on est en TT. Mais tu vas pouvoir le dire à Cyril quand t'arrives sur le plateau en fait. D'accord. Oui, parce qu'après je vais aller faire un bisou pour les 5 heures. Donc confetti. Ah les gars, sont arrivés. Donc pas. Mais pourquoi ? Bah je sais pas. Il y a Guillaume après, faut peut-être lui laisser le studio propre. On balance pas des sauts de merde, c'est des confettis. Ouais, ok. C'est pour faire la fête avec Souf, où est le problème ? Oui, il a pas soprano après. Si ? Eh ben alors ?